VGBM numéro 41. Je tiens à dire tout de suite pour l'émission qu'on a oublié qu'il y avait un numéro 39 et on va bientôt le faire, le numéro 39. Un de ces quatre, ça sera le numéro spécial film d'horreur, film de fantôme. Donc on appellera ça VGBM 39, le train fantôme ou un truc du genre. Parce que comme j'ai fait la connerie d'oublier le numéro 39, je me suis dit il faut que j'arrive à trouver une solution pour que le numéro 39 sorte quand même un jour. Mais pour parler de cette émission numéro 41, on va parler de Bohemian Rhapsody, le film sur Queen. On va parler aussi des news par rapport à Toy Story, par rapport à Pikachu, le monde de Pokémon, et par rapport à Disneyland et Disney en général. Mais avec nous, j'ai envie de présenter les tauliers de cette émission, ceux qui sont là depuis 2 ans. Je veux présenter, allez, on va choisir Monsieur Gauthier. Comment ça va, Monsieur Gauthier? Non, ça va pas. Pourquoi ça ne va pas? Bah parce que toutes les semaines tu m'en dis ça va et je te dis oui ça va, donc là je te dis ça va pas. Ah, tu veux changer en fait, bah, tu veux faire ton original. Non, oui, non, ça va. Ça va? Oui, oui, ça va. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai pas fait grand chose, j'ai pas été au ciné. J'ai eu beaucoup de films perso, hein, de moi. T'as pas trop travaillé, moi, d'accord, ok. Non, j'ai pas beaucoup travaillé. J'étais très sur les infos, sur les nouvelles bandes annonces qui sortaient, les nouveaux chiffres du box-office. Voilà. Oh, bien concentré quand même. T'as préparé ta petite chronique? J'ai préparé une petite chronique. Petit jeu ou pas? Il y a le petit jeu. C'est parfait. Alors, s'il y a petit jeu, moi je suis très content. Petit jeu, je suis d'accord. Avec nous aussi, Tommy. Comment tu vas, Tommy? Ah, toujours très bien. Hein. Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Ouf, déménagement, licenciement, voilà. Ah oui, d'accord. Là, on est pas dans du smile, là on est dans du truc chaud patate. Je garde le sourire parce que j'ai déjà trouvé autre chose. Ah bah parfait. Donc, ça va. Ok, est-ce qu'on peut avoir un petit indice ou pas? C'est des petits trucs en plastique qui se montent. Des Lego. Des Lego. Ouh, sympa. C'est super sympa. C'est un deuxième truc que j'aime bien avec le cinéma. Tu nous as amené une personne que tu aimes beaucoup, qui avait chanté dans cette émission, si je me rappelle bien, La Petite Sirène, et un titre de Chicago. Le film et puis la comédie musicale en général, elle s'appelle Camille et elle revient pour, on va dire entre guillemets, voilà, pour être chroniqueuse et puis pour s'amuser aussi dans cette équipe et dans cette émission, pour faire la part féminine de l'émission. Ah merci, c'est vrai qu'il nous faut, il nous faut entre guillemets un quota, entre guillemets, non je plaisante, ça fait manque de respect total. Non, moi je suis très content parce qu'en plus tu t'étais très bien débrouillé la dernière fois. Merci. Tu nous avais parlé de quel film, rappelle-moi, je me rappelle. C'est une bonne question. Star is Born, oui. Non, ouais, Star is Born. Ok, ouais. Et c'était très, très bien présenté, en tout cas, par ta personne et par ton ami Tommy. Merci. Nous avons avec nous un nouveau. Comme, en fait, j'ai l'impression que chaque semaine, on aura un nouveau. On va faire une enquête de police, tu sais, on va lui poser 1000 questions. Avec nous, Mohamed. Comment tu vas, Mohamed? Ça va super. J'ai envie de poser tout de suite une question. Quel âge as-tu? D'où viens-tu? Qui es-tu? Alors, j'ai 28 ans. Je viens d'une ville que vous connaissez sûrement pas, qui est Montbéliard, qui est à l'extrême est de la France. Les caramels, non? Non, les saucisses. Connu pour les saucisses. Okay. Bon. Et voilà, et là ça fait à peu près un mois que je suis parisien, et voilà. Ok, mais pourquoi t'es venu à Paris alors? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Dis-nous, qu'est-ce que t'as fait avant? Eh ben avant j'étais... Quel est ton métier? Quelle est ta passion? Alors... C'est deux questions différentes, mais... C'est à différencier, ouais. Mon métier c'était juriste, oui. Voilà, et ma passion, eh ben, c'est le cinéma, c'est l'acting, c'est l'art en général, et les représentations qu'on peut en faire. Et du coup ce que j'ai décidé il y a quelques temps, c'est totalement de me réorienter. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai emménagé à Paris et me voilà. D'accord. Et je veux dire, en même temps, tu gardes toujours ton premier métier ou vraiment là, t'es parti dans tout ce qui est comédie, Non, je suis... Théâtre, etc. Ah non, j'assume totalement. Parce que je... Donc là, tu nous fais les castings tous les jours, quoi, c'est ça? Je suis exactement là-dedans. Et est-ce qu'en ce moment, il y a un petit projet? Est-ce qu'il y a eu un petit contrat signé ou pas? Ah non, pour l'instant, je suis encore dans le... Comment dire? Dans le non rémunéré parce que j'essaie de faire ma bande démo. Ouais. Je débute à peine. J'ai énormément à apprendre, mais je suis motivé et... Mes dents rayent le parquet littéralement, quoi. Ok, voilà. Bon, parfait. Et est-ce que t'as un petit rêve ou pas spécifique ou je ne sais pas? Un rêve? Par rapport... Ouais, par rapport à ton... Tout simplement en vivre. En vivre? Ce serait déjà... Okay. Théâtre, ouais. Cinéma ou... Théâtre, cinéma, écriture, même radio, peu importe. Si je peux vivre de ce qui m'anime, enfin... du feu qu'il y a dans moi, ce serait magnifique. Ok. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, je sais pas moi, est-ce qu'il y a un réalisateur, est-ce qu'il y a un film où tu dis putain, j'aimerais bien tourner dans un film comme ça? Que ce soit même un truc américain, un peu. Alors, genre. Ne cite surtout pas Matrix 2. T'inquiète pas. Même si je trouve qu'il est injustement bâché, t'inquiète pas. Mmh. Mais ouais, si je réponds avec le petit Mohamed qui a 8 ans, je dirais Star Wars évidemment. Ouais. Après, franchement, peu importe. Honnêtement, peu importe. Autant écrire quelque chose qu'être l'outil du réel, peu importe. Ok, bon on sent que t'es motivé, que t'as, ouais, t'as la passion, comme on dit, et oui, que tu vas aller jusqu'au bout. Donc, bah, en tout cas, on te souhaite que du bon. Et si tu veux, nous avons Tommy qui est là et qui a des contacts un peu de partout, si je me trompe pas. C'est vrai quand même. Non, oui, tu t'es fait un réseau, je me rappelle, il y a quelques temps, avec plein d'acteurs et plein de trucs différents. Il y a pas ce que tu cherches, un peu de tout, mais voilà. Oui. Et... Moi, j'en vis pas encore non plus, mais ouais, j'ai des pistes par-ci par-là. Je pense qu'on parlera bien. Donc, on va parler, t'inquiète. Parfait. J'ai envie de te poser aussi des questions par rapport à tes goûts cinéma. Je veux dire, est-ce que t'as un réalisateur fétiche ? Est-ce que t'as un film fétiche ? Ou même, est-ce que t'as un genre de film qui t'impressionne plus ou qui te passionne plus ? Alors, j'ai un genre de film, effectivement, qui me passionne plus. C'est les sagas, en fait, concrètement. Ouais. Mmh. J'ai un peu du mal à m'attacher aux films qui sont pas trop longs. Ouais. J'aime bien quand on prend le temps, on prend le temps d'expliquer les choses. Donc, mes films fétiches, c'est Retour vers le futur, Star Wars, Seigneur des Anneaux. N'hésite pas aussi à parler un petit peu. Nouvellement, les Harry Potter, toutes les sagas concrètement. Ouais. Voilà. Les Rocky, qui sont bien mieux que notre imagination croire. Parce que souvent, c'est nos parents, c'est la génération de nos parents, les Rocky. Et je me suis tapé toute la série. C'est vrai. Et quand j'ai vu le premier, j'ai fait putain, mais c'est un chef-d'œuvre en fait. C'est magnifique. Il y a eu un Oscar. En parlant de ça, il me semble qu'il y a Creed 2 qui arrive bientôt. Là. Creed 2, ça sera le dernier. Je suis pas sûr que ça soit une bonne nouvelle. Michael B. Jordan. Alors, ça arrive. Le premier était bien. Ah, le premier était excellent. Et Creed 2, ça sera le dernier avec Stallone dans le rôle. Est-ce que t'as vu la saga Rocky ou pas? Bien sûr, j'ai vu la saga Rocky. L'intégralité? Oui. Du premier. Mais t'as aimé Creed? Creed, oui, j'ai bien aimé. Non, mais c'est sympa. Après, c'est plus moderne, c'est plus au goût d'aujourd'hui. Mais c'est du plat au micro-ondes. Mais Creed 2, c'est surtout ce qu'il y a, c'est que c'est la dernière fois qu'on verra Stallone dans le rôle de Rocky. Il paraît. Mais... Tu veux me déprimer, en fait. mais des sagas et des films qui sont revenus récemment, là, dans ces dernières années, je trouve que c'est Creed qui s'en sort le mieux quand tu compares à Star Wars et autres. Tu regardes aussi Predator, là, le dernier. Voilà. C'est celui qui déçoit le moins, en tout cas. Enfin, j'ai mon humble avis. Il faut que tu saches qu'ici, autour de cette table, il y a des fans de Marvel. Est-ce que toi, t'es un fan de Marvel? Totalement. Ou de DC, ou je ne sais pas. Moi, je suis Marvel. Je l'aime bien, c'est bon. Marvel à fond. T'es Marvel Team, quoi. Ouais, Marvel Team, mon héros préféré, c'est Spider-Man. Ah, je l'aime aussi. Et... est-ce que tu as pleuré dans Avengers 3? Dans... Oui, oui. Enfin... C'est bon, t'es pris. C'est ton contrat est signé. Je sais pas si c'était mes larmes ou si c'était les larmes de ma femme à côté de moi inondaient toute toi, la salle. C'est toi, c'est moi, je pense. Ouais, effectivement. Dévoile ta part de féminité ou de sensibilité. Non, même pas de féminité, de sensibilité. De sensibilité, ouais. De sensibilité. Parce que les femmes ne pleurent pas. C'est nous qui chialons, nous les hommes. Effectivement. Voilà. Mais on pleure tous. Mais oui, les voilà. Humains pleurent. Effectivement. Et j'ai hâte de voir ce que Marvel va faire des X-Men d'ailleurs, avec le rachat de la Fox et tout. Donc, ah ouais, un vrai fan de super-héros. J'attends moi, de voir quand même. Je t'avoue que moi, personnellement, j'ai hâte de voir. Du coup, moi, je suis mitigé sur ce sujet. Vis-à-vis de quoi? Ça dépend. Vis-à-vis de Hugh Jackman et du cast. Non, de quoi? Je parle de quelque chose de plus haut, de Stan Lee. Évidemment, évidemment. Oui, bah, parle-nous-en alors. Ah, je peux pas. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Tu veux que je pleure, c'est ça? Non, mais on peut dire, non, mais on peut dire quand même que Stan Lee, c'est le créateur absolu des personnages Marvel. Avec ses associés, quand même. Avec ses associés, mais c'est le Kirby, c'est ça. Alors, c'est surtout quand même celui à l'époque ils avaient créé une société. Gautier, oui, c'est notre spécialiste. Ils avaient créé une société de comics, donc avec les trois, donc c'était les trois pionniers, donc Stan Lee, Jack Kirby et Steve Ditko. Oui, voilà. Et donc ils avaient créé Marvel, donc là les premiers comics marchaient bien. Donc Stan Lee a notamment scénarisé Captain America, là où Jack Kirby le dessinait, tout ça. Donc ils ont créé vraiment l'intégralité des personnages à eux trois. Après Marvel, c'est que dans les années 60, quand Jack Kirby et Steve Ditko ont un peu quitté le navire, Stan Lee, lui, est resté. Et c'est lui qui a popularisé Marvel, qui a vraiment fait de Marvel un empire. C'est d'ailleurs lui qui a rebaptisé l'entreprise Marvel. Et le Marvel, aujourd'hui qu'on le croit, ça vient de Stan Lee. Puis dans les années 90, là, il y a eu par contre une chute pour Marvel, c'est-à-dire que les comics ne marchaient plus. Et quand Steve Ditko et Jack Kirby sont revenus, Stan Lee a eu l'idée de vendre les personnages aux studios de cinéma. Donc il a notamment vendu Hulk à Universal, il a vendu les pelles X-Men, Deadpool tous à la Fox, Spider-Man à Sony. Et ils en ont fait des blockbusters, et aujourd'hui, et bah, grâce à ça, et bah, Marvel Studios a pu produire avec les catalogues de personnages qui leur restaient, les films, et donc voilà, après il y a eu toute la suite donc, des super-héros au cinéma, et donc le renouveau Marvel également en comics à partir de 2005-2000. Puis si je ne me trompe pas, il a eu quand même une très grande réputation aussi populaire, entre guillemets, parce qu'il faisait des caméos dans, tous les épisodes de Marvel. Si on parle des trois dessinateurs, c'est lui l'icône. Oui, c'est lui l'icône. Marvel, c'est lui, c'est-à-dire que c'est lui qui a sorti le nom de l'entreprise, c'est vraiment Marvel, c'est lui. C'est la première image que l'on donne à Marvel aujourd'hui. Mais quels sont les super-héros que lui a créé vraiment de A à Z? C'est compliqué parce que c'est une équipe. Alors les 4 Fantastiques, c'est assez. Exactement, pour vraiment différencier entre tout le monde. Je pense que les 4 Fantastiques sont plus, mais c'est justement ça, c'est que les personnages ont tous été créés à 3. Il en a peut-être dessiné un, mais c'est quelqu'un d'autre qui a créé son histoire. Lui était très scénariste, lui était très dans les scénarios, dans les histoires, les choses comme ça. Il a notamment les histoires de Doctor Strange, c'est lui qui a scénarisé Doctor Strange, c'est pas lui qui a créé Doctor Strange, c'est Steve Ditko. Hulk, c'est pas lui non plus. Spider-Man, c'est pas lui qui l'a dessiné. Il a créé, scénarisé l'histoire de Spider-Man, c'est pas lui qui l'a dessiné à proprement parler, comme Captain America. Donc c'est vrai que, parce que je veux vous faire la part sur les titres, c'est vraiment un trio qui a été fait. Et c'est le dernier de ce trio qui parle. C'est vrai que c'est bien, enfin. Qu'il soit assez important, mais il ne faut pas oublier les autres. Ouais, c'est ça. Disons que c'est celui qui attire le plus la lumière. Oui, en fait, Jack Kirby et Steve Ditko sont partis à un moment où, voilà, où il ne fallait pas qu'ils partent. Ouais, comme nous aussi, on a une image de Stan Lee, on peut lui mettre un visage comme on le voit dans tous les films avec les caméos, comme c'est ça. Jérémy. Mais moi, je le croyais immortel, ce mec. C'est peut-être bizarre, mais il y a une impression, on se disait que comme c'était le mec des super-héros, on se dit, bah, comme les super-héros. Tu vois que moi, il y a quelques mois, j'y ai pensé. Parce qu'il y a quelques mois, j'y ai pensé parce qu'ils avaient fait et sorti un article sur les prochains films Marvel à propos du fait qu'il va tourner ses caméos à peu près en même temps. Parce que justement, il est vieux, on ne s'est pas trouvé à ce moment-là. Je me suis dit, mais c'est vrai que ce mec-là a quand même 95 ans. Un jour, il va partir. À ce moment-là, on entendait aussi la mort de Steve Ditko. Tu disais, Stan Lee va pencher, mais je pensais qu'il avait quand même duré longtemps. Tu vois. Et c'est vrai que quand j'ai vu le premier truc, moi, c'était revenu sur Facebook, Stan Lee est mort. C'est vrai que là, tu dis, ça m'a quand même fait quelque chose. Ouais, pareil. Mais c'est quelque chose que tu t'y attendais. Mais à la fois, tu disais que ça pouvait pas arriver. Quoi. Donc, Qui sait, peut-être qu'ils ont tourné des caméos d'avance. Hein. Qu'ils ont leur plan. Je pense qu'il y a Captain Marvel et Avengers 4. Il y en aura peut-être un dans le film animé de Spider-Man. Ça, les nouveaux héros, il y a. Voilà, exactement. Puis ils l'ont fait aussi dans les séries d'animés. Je pense qu'il y a encore X-Men Dark Phoenix et les nouveaux mutants. Je pense qu'ils trouveront toujours un petit clin d'œil, que ce soit. Ah oui, ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà mis sur des affiches. Comme disait Camille, c'est toi qui m'a dit ça. Non, je sais pas ce que tu veux dire. Peut-être qu'ils feront comme avec Star Wars, remettre des personnages qui sont. Par exemple, Stan Lee est mort, mais il arrive à le remettre en 3D, fin, comme dans Star Wars. Comme avec Carrie Fisher c'est ça, dans Rogue One. Le général. Ox, je crois. Non, c'est pas lui. Non, c'est. Comment ça s'appelle? Ah oui, celui qui a les traits creusés, là. Tarkin. Merci. C'était bien fait. Oui, c'était bien fait. Après, je pense juste pour un caméo, je vois pas trop l'intérêt. Moi, j'aurais pu genre une affiche ou un truc en comme ça. Essayer de le mettre à chaque fois quelque part. Même comme ça, juste le nom dans un document, des trucs comme ça, des trucs super discrets. Des affiches comme news. Donc, paix à son âme et merci en tout cas pour tout ce qu'il a fait avec toutes ses équipes. Parce qu'il a quand même changé un peu aussi la culture. Je pense qu'il a créé la pop culture du. Mais la culture des jeunes aussi. Une bonne partie en tout cas. Il y a eu une nouveauté aussi et un nouveau style aussi, une nouvelle façon de voir aussi la vie et voir aussi le cinéma et tout l'art en général parce que même l'art, même les grands dessinateurs qui sont pas non plus tous des passionnés de super-héros, ils sont tous, maintenant il y a beaucoup de, vous savez, les petites images artistiques avec des super-héros parce que c'est clin d'œil avec la culture pop, c'est vraiment l'incarnation de la culture pop avec Mickey, avec tout ça. C'est ça, c'est sûr qu'en comparant ça fait un peu bizarre, mais bon, ça fait partie de notre adolescence et ça fera toujours partie de notre adolescence. Puis tu vois que là c'est vraiment les grosses enseignes, il y a des grosses enseignes qu'on tweeté pour lui, c'est Marvel, Disney, donc bien sûr, mais il y a aussi DC Comics, quoi, les grands rivaux qui ont tweeté parce que malgré qu'il soit l'incarnation de Marvel, Stan Lee était tellement populaire qu'à un moment il a aussi dessiné ou il a aussi scénarisé pour DC Comics. J'ai une autre news, mais alors moi ça m'a fait vraiment plaisir. C'est, il y a deux petits teasers qui sont sortis sur internet de Toy Story 4. Ouais. Mm-hmm. J'en ai vu qu'un seul. Parce que t'en as vu qu'un? Non, il y en a un deuxième. Celui-là où il tourne là et on les voit. Ah non, il y en a un deuxième avec des nouveaux personnages. Okay. Moi je suis très content parce que en plus les comédiens qui de doublage entre guillemets, donc Tom Hanks etc, de toute l'équipe de Toy Story, vraiment ils ont une certaine je pense appréhension de faire un quatrième, parce que est-ce que c'était nécessaire, parce qu'il y avait une très belle fin avec le Toy Story 3. Je suis fan des Toy Story, et le quatrième a l'air vraiment encore plus puissant émotionnellement et c'est un grand mystère, surtout sur le niveau scénaristique. Totalement, comment faire un numéro 4 après une fin aussi belle et aussi simple et aussi efficace, et c'est vrai qu'il y a une petite crainte, de est-ce qu'ils vont trouver un truc scénaristique intéressant. Je fais confiance à Pixar, à Disney. Comparé à des films comme Cars ou le 2, le 3, il n'y avait pas beaucoup de trucs. Effectivement. Toy Story, ils prennent énormément de temps pour les faire. Les Toy Story, les personnages. Je ne sais pas quand est-ce qu'il rentre celui-là, le 3. Je crois que c'était 2010. Après, il y a eu des petits courts-métrages entre-temps aussi. Ouais, bon, après, les petits courts-métrages. Sur Toy Story, ils sont sympas. Ils sont chez Zelda. Mais je crois que c'est 2003 quand même. Le 3ème. Oui, il a fait un truc d'Halloween. Un truc d'Halloween. Tu es obligé, tu l'as vu toi, il est cool. Mais ça, généralement, ils les sortent avant pour comme ça, ils les mettent après. Après, j'ai un gros coup de gueule sur les petits trucs comme ça, c'est qu'en France, le doublage, rien à foutre, ils mettent deux doigts. Hein, parce que ça, c'est révoltant. Oui. Ouais, c'est les épisodes de Noël, machin, c'est deux doigts, comme Shrek, etc. Je trouvais ça juste inutile. Ah oui, mais Shrek. Non, mais c'est inutile. C'est vrai. Un doublage qui est totalement différent. Je veux dire, comment avoir un succès? Parce que ça, généralement, c'est pas les studios qui le préparent, c'est les chaînes de télé. Je sais, c'est mal foutu. Je crois ils veulent relancer Shrek 5. Ouais. Non, ils veulent le relancer. Aussi. Je crois que c'est le reboot. Ils veulent rebooter. Ouais, c'est ce que j'ai entendu aussi. Ils veulent rebooter Shrek. Oui, c'était d'une débilité, mais. Je veux dire, quel est l'intérêt de rebooter Shrek? Autant faire un truc parallèle, mais je sais pas. Ah ouais, mais... Après, c'est les business, c'est tout sympa. Merci beaucoup. J'ai mon téléphone qui sonne, c'est pas bien. Discutez-moi. Il y a eu aussi une autre bande-annonce un peu plus longue. Et alors, ça, j'étais un peu surpris parce que quand j'ai eu le projet, on m'a dit Ryan Reynolds. Là, je jouais Pikachu. Ouais. Oui, oui. J'étais là, je me dis, mais qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'il va être en mode 3D avec des. Je sais pas, est-ce qu'il y aura une transformation physique? Est-ce que ça sera parodie? Je sais pas trop. Et franchement, j'ai vu la bande-annonce et j'ai envie d'y aller. Parce que alors, je trouve que c'est que des clins d'œil en fait. C'est un film, comme tu disais aussi, vraiment culture pop, où on sent qu'il n'y a pas non plus une ambition de changer le cinéma ou d'avoir quelque chose de nouveau. C'est juste vraiment un plaisir de fan. J'ai l'impression que c'est du fan service, mais dans le bon sens. C'est pas juste on va faire plaisir, c'est on va s'amuser. Il faut préciser que le film n'est pas inspiré du monde de Pokémon, enfin de la série d'un jeu vidéo. Il était inspiré d'un jeu vidéo. Ouais. Du jeu Pikachu Détective. Mais moi, je suis totalement emballé pour ce film. Quand j'ai vu la bande-annonce, je leur ai dit, mais prenez mon argent, celui de mes futurs enfants et de toutes mes descendants. Moi, c'est le contraire. Enfin, ah oui, ouais? C'est vrai, c'est la bande-annonce. À la base, je me suis dit, non, je veux pas voir. On m'a parlé de ça, j'ai fait non, impossible. À cause des films comme Dragon Ball, Ghost in the Shell, tout ça. Okay, je précise, après avoir regardé la bande-annonce. Moi aussi, au début, j'étais en mode non. Oui. Et elle était comme moi, elle était non. Et j'ai regardé. Et je sais pas. Ah, tu sais pas? Je vais aller le voir, c'est sûr. Ouais. Mais je reste sceptique, en fait, c'est ma façon de me protéger à cause de tout ce qu'ils ont fait, Dragon Ball, du mal qu'ils ont fait. Avatar, d'un maître de lettres, tout ça. Mais j'avoue qu'ils sont bien faits. Pokémon sont super beaux, je trouve déjà. En plus, je pense que ça va pas être lourd parce que j'avais peur d'une parodie. Pas trop gamin, un truc ça avec trop gamin, ça, qui osait. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment dans un univers plus jeu vidéo. Mais c'est juste du plaisir. J'ai l'impression que c'est un film vraiment pour les fans. Ça m'a fait penser. Même pour les gamins. En fait, ils ont trouvé le juste milieu entre ce que je trouve qui peut être un défaut, c'est faire un univers trop dark, et aussi le respect du jeu. C'est-à-dire que les jeunes adultes comme nous, on va pouvoir aller le voir parce que c'est pas trop gamin, trop rose, et c'est pas non plus trop dark en mode d'ici on va s'ouvrir les veines à la fin du film. Et du coup c'est un mélange de tout et c'est plutôt pas mal, et je crois que ça s'inspire d'une vidéo YouTube avant Pokémon à Copalypse, un truc comme ça qu'un fan a fait. Exactement, je crois que ça s'inspire de ça. Autant qu'on se dise, ils ont fait aussi le film parce que Pokémon Go ça marchait super bien, ils ont eu cette idée là, ils ont dit on va surfer sur la fin. Pokémon Evoli et bien un jour ou l'autre, fallait bien un film Pokémon, quoi. Mais ça, je suis sceptique, je dis pas que j'aime pas, mais j'ai peur en fait. Parce que j'ai fait Pokémon, c'est vrai que je joue à Pokémon Go. Mais c'est bien qu'ils ont acheté Pokémon Evoli Pikachu. Ils ont fait une adaptation, quoi. Il y a pas Sacha, tout ça, donc ça nous rassure parce qu'on n'est pas dans le jugement de comparer, etc. Parce que ça va être bien joué, tout ça. Moi j'avoue, ils ont de la chance, moi je pourrais pas comparer, j'ai pas fait le jeu. Camille, moi c'est juste la voix française de Pikachu, je sens que ça va pas passer. Ah non, quoi. Mais moi je vais pas comparer. J'ai entendu la bande-annonce tout à l'heure, j'étais. Déjà, faire parler Pikachu, pour moi j'ai du mal. C'est vrai que ça c'est un peu. C'est pas un Pokémon qui parle, quoi. Mais c'est une bonne. Ouais, il y a une bonne explication scénaristique quand même au fait qu'il parle. Ah, ça j'ai pas vu. Une explication. C'est pas vraiment une explication, mais on comprend qu'il y a qu'une personne qui. Justement, il faut une explication à ça. Voilà, exactement. Pourquoi est-ce que le gamin le comprend parce lui dans des scènes mais où se parle okay. Voilà, c'est dans la dérée, c'est plus il a beaucoup bossé comme ça. C'est un taffeur et tout, ok on admet. Mais là Pikachu, j'ai l'impression un mélange de Conan le détective là, t'es... ah oui détective Conan, Conan là. Bon, t'es venu, j'ai envie de le frapper Pikachu et Ted parce que franchement c'est ça qui me fait peur un peu. J'ai pensé à Jean-Christophe et Winnie, tu sais, à Winnie l'ourson, tu me disais en fait c'est la même chose en fait, ils font le même concept parce que Pikachu fait peur quand même dans la bande annonce. Franchement il fait pas le Pokémon super sympa qui va te faire un câlin. Non, il est trop mignon quand il dit j'avais électrocuté Piggy bouge sa petite queue, il est trop mignon. Non, parce qu'il dit. Il fait un peu. En anglais, je crois, il dit je vais t'écrire tes culs, je crois. C'est ça. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai switché entre Winnie l'ourson et Ted. Pour ceux qui se rappellent, attends, on va faire un mix des deux. Et on aura Pikachu qui va nous ressortir des blagues de cul. Et moi, ça me fait peur. Mais c'est ça, ça me fait peur. Faut pas qu'ils aillent dans trop le trash. Surtout que c'est Ryan Reynolds qui fait la voix. Donc, il va vouloir mettre du Deadpool un peu. Exactement. Il va vouloir mettre du. Je suis pas sûr. De toute façon, Ryan Reynolds, il aime bien faire ça. Et des fois, il s'en fout des réalisateurs. Donc, j'ai peur de ça, moi. Moi, je trouve qu'il a une tête de pervers. Et tu dis ça. Et toi aussi, tu dis ça. Mais il y a pire que Pikachu. Dans la bonne annonce, tu vas voir jusqu'à Monsieur Mime, j'avoue, il m'a mis pas bien. J'ai trouvé ça drôle. Au contraire, j'ai trouvé ça drôle. Après, je suis désolé, mais je vais jouer fanboy. Hein. Tu vois sa tête, tu fais oh là là. J'ai tout aimé dans la bande-annonce. C'est un Pokémon aussi. Mais c'est Oui. Ah oui, c'est un Pokémon. Je pensais que c'était un clown. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est après, moi, j'ai pas vu non plus l'intégralité de la bande. J'ai survolé. Moi, j'ai vu les images, j'ai vu un petit peu l'humour, tout ça. Parce que bon, mais je suis pas un grand expert non plus de Pokémon. Tu vois, j'étais fan quand j'étais gamin. Mais de ce que j'ai vu, j'avoue que ça donne envie juste de... Gauthier, tu es mort. Il est fini pour Monsieur Mime. Découvrir que Monsieur Mime, c'est un... Toute mais ta vie n'était qu'un mensonge. Pikachu et lui, Monsieur Mime. Non, mais Pokémon, de moment, ça pétait des câbles. Hein. Oui. Mais... T'imagines le mec qui fait, il faut créer des créatures. Fait, moi, j'en ai un, les gars. Monsieur Mime. C'est vrai, mais passe à travers tous les Pokémon, tu vas rire. Oui, il y en a, il y a des Tritus, les générations. D'après, il y a bien Marie que j'adorais quand j'étais petit, c'était... le truc là, le canard là. Ah oui, c'était ouais, c'était le canard là. Canard artichaut. Non. Hein, qui tient pas un artichaut d'ailleurs dans les. Le canard, c'est pas un canard, c'est un genre de dinosaure, mini dinosaure. Le bleu qui sort de l'eau à chaque fois qui éclabousse tout le monde. Non, c'est un espèce de canard jaune là. Mais lui, j'avais vu. Ah oui. Ah, Psycho-couac. Mais il est dans la bande-annonce d'ailleurs. Ouais, lui, c'est un. Tu vois le fan quand tu suis tout vu. Je pense que c'est un film où c'est un kiff. Je pense c'est un film où t'es là pour kiffer. T'es pas là pour. Ça va pas être un manque de respect. Non, parce qu'il y a des blagues de cul. Moi, je sais. Dès qu'ils vont faire un blague de cul, ça. Je le vrai mélange, c'est Detective Conan, donc Pokémon bien sûr, et Ready Player One. Et Ted. Tu verras qu'il y aura quand même Ted. Et Ted aussi. De toute façon, la bande-annonce montre que le film s'adresse aux 20-30 ans. Vraiment. Quand même, c'est vrai. Vraiment. C'est l'impression. Moi, je me suis senti touché, tu vois. Je me suis dit, je suis le public visé. Donc j'irai on va voir. J'irai voir. C'est un grand mystère. Oh, j'ai envie de le voir. Oh, ça va être sympa. Non, franchement, je suis sceptique, c'est un mystère. Je pense que j'irai le voir quand même. Autre news, Mickey. Et eh ben c'est son anniversaire, il a 90 ans. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Mickey. Et j'ai envie de vous dire, Mickey c'est quoi pour vous, Tommy, c'est quoi pour moi c'est mon troisième prénom. Non mais peut-être. Mais le personnage Mickey, qu'est-ce que c'est pour toi? Je sais pas, est-ce qu'il y a un film, dès que t'entends enfance. Mickey, est-ce que tu vois un film? Alors que tu moi vois oui, le alors parc, il est pas vois... trop connu, mais moi je pense direct à un dessin animé Mickey que je regardais quand j'étais petit. Où en fait c'est un espèce de Frankenstein, ou en fait pas un espèce de Frankenstein, enfin patibulaire tu vois, c'est le gros, le méchant qui est avec lui là. C'est un espèce de Frankenstein, et il y a un singe en fait qui inverse leur cerveau. Donc Mickey, ça devient le méchant tout moche, un monstre tout méchant. T'as vu ça où toi? C'est pas trop connu. Et ouais, il est pas trop connu. C'est un film ou et un en fait, dans bon Pat, dessiné. C'est un dessin animé. Et dans Pat, c'est Mickey qui est dedans. Et c'est ce film-là était ouf. D'accord. Faudrait que je le retrouve J'ai introuvable, jamais vu cette image. Bah, la semaine prochaine, je te ramène, j'ai le livre. C'est dans le livre. Il y a des sur les anciens cartoons Disney. Ouais. Camille. Ah, moi, Disney, c'est. Non, pas Disney, Mickey. Non, Mickey, c'est Disney, c'est l'amour de ma vie. Enfin, voilà, désolé. Mais je m'appelle Mickey, ouais. Moi, ça passe. Non, mais... C'est le parc, c'est. Ouais, je suis pas. Est-ce qu'il y a un film avec Mickey qui t'a marqué ou un court-métrage? Fantasia. Fantasia avec les ballets. Fantasia avec les c'est ballets. C'est vrai qu'il va pas le refaire d'ailleurs. C'est la figure. Est-ce que vous vous rappelez, parce que ça, putain, c'était un kiff, quand on avait une cassette Disney. Oui, c'est ce que j'allais dire, de voir les mettait de la Mickey. Cassette. Attends, il était en magicien. Et ça faisait tout un truc ça, magique et tout en effets spéciaux. Et là, t'étais en kiff parce que tu savais que t'avais mis un Disney et que t'allais être super bien et que t'allais passer un très bon moment. Et c'était les meilleurs en plus des dessins de Disney. Un autre truc en plus du dessin animé Disney, là, avec Mickey qui intéresse et qui devient le monstre, c'était en fait, dès que je regardais les dessins animés Disney, genre par exemple Tic et Tac, j'avais plein de cassettes avec plein de courts-métrages. Il y avait un peu comme dans les Looney Tunes, il y avait la grosse tête de Mickey ou de Donald. Oui, je me rappelle de ça aussi. Mais ça, c'était. En or, avec des trucs en or. Oui, c'est ça. Quand j'étais petit, c'était. Waouh. Et bien sûr, il y a ça aussi. Attends, il y a ça maintenant dans tous les Disney. Maintenant, ils mettent le bateau, c'est le premier, Pas vraiment le premier, c'est le premier avec Mickey, Le premier avec Mickey, Parce qu'avant, il y avait un lapin, c'était, je me rappelle plus comment il s'appelle. Mais ils avaient fait un test, et puis je crois qu'il y avait un problème de droit d'auteur, un truc comme ça, il s'est fait piquer l'idée Disney. Et puis la souris, c'est Disney a eu l'idée, donc parce que Disney, quand même, on va rappeler que c'est Monsieur Disney quand même qui a inventé Mickey et tout. Et tous les grands films, Blanche-Neige, etc., qui a quand même eu des très bonnes idées, Mary Poppins, etc., même si peut-être c'est pas lui qui a eu les idées, mais en tout cas, il était là derrière avec le financement et les idées aussi créatrices, aussi, puisqu'il était là quand même, c'était le chef, entre guillemets. Mais voilà, il a eu des idées magnifiques. Et quand même, Mickey, je vais dire ce que c'est. Moi, Mickey, quand je pense à Mickey, je pense à un sourire. Ça a l'air tout con, Mickey, qui a vu un Disney? Bon, on pleure dans les Disney, mais je veux dire, quand même, voir un Disney, il y a quand même quelque chose de très positif. Je sais pas comment je peux expliquer ça, mais c'est quand même quelque chose où on est quand même heureux d'aller voir un Disney. Il devrait quand même te faire pleurer. Ah oui, ça c'est mais dépend, oui, ça reste ça quand dépend, même positif jusqu'à la fin. C'est vrai que c'est les experts pour ça. Ouais. Mais ils sont super forts. Mais. On va juste demander quand même. De la fin du dessin animé que je te disais, mais c'était pas vraiment un truc qui devait sourire. Hein. Ça faisait, c'était sombre. C'était mais après, il y a des moments, il y a aussi des concepts un peu. Voilà. Bernard et Bianca, par exemple. C'est vrai, j'ai vu pas gay, c'est pas des trucs avec le gamin. Bah, les trois années, c'est comme ça. Taravé le chaudron magique. Ouais, celui-là. Celui-là, il était tellement dark, celui-là. Je l'ai regardé il y a pas longtemps parce que j'étais très intrigué. Je ne sais pas si c'est un truc, mais il est très sombre. C'est un truc même l'époque, il a quand même fait flipper. Hein. Gros problème de production. Mais c'est dommage, hein, parce que je trouve. Sur Tara mais le chaudron magique, quoi. Gros problème de production, ils ont coupé des minutes et des minutes. C'est pour ça que c'est incompréhensible. Je crois qu'il a été fait parce qu'à l'époque, justement, ils avaient des problèmes, ils n'avaient pas trop d'idées. Il fallait qu'ils sortent vite un film d'animation. Ça explique beaucoup de choses. C'est dommage, parce que je trouve pas si mal. Et petite anecdote de Mr. Fox, spécialiste des doublages. Le doublage français qui a été fait la première fois était disponible en Belgique et pas en France à cause d'un contrat mal signé, entre guillemets, à cause d'un problème de droit. Ah ouais, non, mais c'est magnifique. Ouais. C'est-à-dire que t'as le doublage français qui est en Belgique, mais pas chez nous. Donc c'est formidable. Ah ouais. Ils ont dû redoubler. D'accord. Mohamed, Disney, même pas Disney, Mickey, c'est quoi pour toi Mickey. Alors si on reste juste sur Mickey, évidemment, je pense à Fantasia. Je pense aussi à une personne qui m'a jamais inspiré parce que trop parfait et trop heureux pour moi. Sauf, depuis, on sort un peu du cinéma, le jeu vidéo Kingdom Hearts, où je trouve que là, c'est un genre de Mickey charismatique que j'ai absolument jamais vu ailleurs. Sinon, en dehors de ça, le personnage m'a pas vraiment intéressé. Quand j'étais gosse, j'aimais bien les persos avec une vraie histoire plutôt qu'un « Salut ha, ha, ha. Voilà. Oh, si je vais faire la voix, fais attention. Oh non, il est trop bien. Qui est-ce qui parle? C'est toi, salut, Mickey. Voilà. Qu'est-ce que vous là, pensez? Là, on t'approuve encore plus. Hein, est-ce que je peux faire juste un... Est-ce que je peux juste faire juste un petit... pas un coup de gueule, mais c'est bien, mais en même temps, attends, je suis mitigé. Il a pas dit, lui, Mickey, mais bon. Il arrive tout de suite. On a 2 heures devant nous. Bah, on a encore 1 heure devant nous, tranquillement. Mais est-ce que, franchement, la maison de Mickey... Oui. Il faut qu'on en parle. En 3D. Non, pas ça. Il faut qu'on en parle. Non, qui non, est en fait, ça n'existe qui pas. Qui en fait, le concept de Dora l'exploratrice, exactement, tellement ça a marché. Ça n'existe pas, s'il te plaît, me parle pas de ça. Non, mais c'est moi, je suis pas contre, au contraire, je trouve ça bien. Ah si, moi je suis contre. Mais est-ce que ça a pas un peu cassé l'image de Mickey? Moi je dis ça comme déjà ça, je dis ça. Pour les genres de dessins animés, moi je l'avais déjà dit la dernière fois, ça débilise nos gosses. Enfin, les gosses. Nos gosses ça dépend lesquels. Bah, Dora, la maison de Mickey, pour moi ça les. Faut choisir après. Je rappelle qu'il y a une adaptation cinématographique de Dora l'exploratrice. Faite par Michael Bech. Mais c'est pareil, c'était obligé que ça arrive un jour. Oui, bah oui. Ouais. C'est formidable. Oui. Là, ils vont bien faire Barbie aussi. Enfin, on a dit ça. Oui, mais ils font Barbie. Mais Barbie, alors attention, Barbie d'une manière plutôt comique. Avec Margot Robbie, je crois, dans le monde. Exactement. C'est Anne Hathaway, non? Ou alors c'est Margot Robbie, je crois, qui remplace Anne Hathaway, un truc comme ça. Je crois que c'est ça, c'est Margot Robbie. Barbie, mais pas Barbie adaptation 100%. Ça va être un Barbie un peu à la Toy Story, tu vois. Ça va être un peu. Tout ça pour dire que moi, j'adore pas la maison de Mickey. Ouais, mais en même temps, je suis content pour les gamins parce qu'on voit pas beaucoup quand même de dessins animés en ce moment avec Mickey. Bah, je sais pas qu'ils refassent comme ça. C'est que c'est ça avec Disney. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ils ont voulu reprendre à travers les différents contes, les trucs comme ça du monde. Ils ont créé tellement de personnages qu'aujourd'hui, quand on pense à Disney, bah, c'est pas forcément à Mickey qu'on pense en premier. Ah bah non. Moi, vous me dites Disney. Oh, aujourd'hui, et donc pas, parce qu'aujourd'hui encore, là, on est encore dans l'ère où nous, notre enfance, dans 10 ans, 20 ans, vous demanderez aux jeunes de notre âge, parce que pour Disney, c'est quoi? Ils vont vous sortir les Star Wars, les Marvel. Je suis pas d'accord non plus parce qu'ils sont très stratégiques. Parce que Disney, c'est une stratégie, ils ont 2 stratégies. La première stratégie, c'est la stratégie, on appelle ça du coffre-fort. C'est pour ça que les DVD Disney, il y a quelques années, ils étaient introuvables. C'est-à-dire qu'ils font une édition spécifique au moment de Noël ou au moment d'Halloween ou je ne sais quoi. Ils vendent à chaque fois les Disney et ça marche super bien. Ils les vendent à prix super fort. Mmh. Et après, ils sont très introuvables en neuf. Après, bien sûr, ils sont introuvables. Ils sont trouvables en je suis occasion. Je suis d'accord. Parce mais que en c'est neuf, l'icône. Ils sont très rares. Parce que c'est l'icône. Mais regarde, moi, par exemple, je vais jamais à Disneyland. Ouais. Voilà le truc. Je vais au cinéma, Mais imagine, je vais jamais à Disney. J'étais voir Winnie l'ourson, je vais te voir. À quel moment je le vois Mickey? Dans quoi je le vois? Je le vois dans rien. Les films tu au cinéma. Film. Ouais, bah au film, à la télé, enfin nulle part. C'est-à-dire que c'est. Tu regardes aujourd'hui, ces dernières années, les grandes icônes comme la Reine des Neiges, tout ça, c'est eux qui incarnent l'image de Disney sur les produits dérivés, les trucs comme ça. Et en film, je suis désolé, alors que Mickey, c'est une marque forte, on n'en fait pas tous les jours. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Et en plus de ça, encore une fois, avec la maison de Mickey. C'est que c'est trop débile, ça vise que les enfants en bas âge. C'est-à-dire quand ils vont grandir, ils vont l'oublier. Mickey, c'est devenu, ça sera... si tu veux, la alors mascotte. Que Mickey que moi je connais, c'est aujourd'hui pas le héros. Je peux regarder pour un moi, film c'est de, plus le héros de Mickey que je te parlais tout à l'heure, par exemple. Je peux regarder des dessins animés de tout à l'heure. Alors que ça, Maison de Mickey, je regarde ça quand je suis petit, je regarde plus jamais après. Tu vas demander à des petites filles, enfin la plupart des petites filles, si elles préfèrent Mickey ou la Reine des Neiges. Je suis sûr que la plupart vont répondre à la Reine des Neiges. Ce que tu dis, c'est très vrai. Aujourd'hui, les dessins animés ne sont plus autant intemporels qu'avant. Ouais. C'est-à-dire que le fameux second degré de Disney, aujourd'hui, on peut tous regarder Aladdin, Le Roi Lion, voilà, peu importe. Exactement, tu vois. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plus tendance à débiliser un peu les enfants, mais... Il adapte trop au monde d'aujourd'hui. Mais il y a à boire et à manger. Si on cherche bien en tant que parent, on peut trouver quelque chose qui nous plaise. Voilà. Je suis pas d'accord avec vous. La Reine des Neiges, c'est récent. C'est quoi? C'est 3, 4 ans, 5 ans? J'ai vu le film. J'ai trouvé que c'était un film pour tout le monde. Ouais, le film. Et surtout que c'était intelligent. Non, c'était oui, intelligent le scénaristiquement film, oui. Et c'était intelligent moi, dans les dialogues. Moi, je parle des dessins animés. Là, des animés qu'ils font, c'est plus. La Garde du Lion, ça, c'est quoi ça? La quoi? Tu t'as pas vu ça? Ah oui, le l'adaptation de... du truc du Roi Lion. Simba, ouais, non, mais là, oui, c'est ça vrai. C'est quoi, ça, c'est quoi, ça la série sur le Roi Lion, oui. Avec la gamme du lion, avec le fils qui est punk. Oui, le fils qui est punk, oui, oui. Non, je suis là, tu vois, il y a une baisse de qualité sur les dessins animés. Et en plus de ça, c'est une série. Crash sur les Oscars. Oui, c'est une série, mais les séries d'avant, tu vois, adaptées de Disney, je me rappelle les nouvelles aventures d'Aladin, où il y avait d'autres choses qui étaient tout à fait regardables. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une grosse frontière entre les personnages de Mickey, tout ça, là, et les autres personnages vraiment. Ah, mais ça n'a rien à voir. Oui, mais ça, ouais. Il y a une grosse frontière. Mais ils ont eu l'intelligence. Et c'est pour ça que tu me disais, oui, en France. Mais c'est en France, parce qu'aux États-Unis, il y a Disney Channel qui est peut-être plus fort encore chez eux que chez nous. C'est vrai, c'est vrai. C'est quand même à la, je sais pas, c'est quel canal, 231, un truc comme ça. Donc c'est introuvable, il faut le payer. En plus, ça coûte bonbon. Mais ce qui est intéressant, c'est en plus là, alors ça va être ma news suivante, mais je vais enchaîner plus tard. Ce qui est intéressant, c'est quand même les séries comme ça, la maison de Mickey, le club de Mickey, qui était encore autre chose, mais beaucoup plus intéressant, avec tous les personnages mélangés dans un endroit, et c'était très bien foutu, et en plus c'était très sympa aussi, avec des caméos un peu de tout le monde, exactement. Puis ils faisaient des trucs thématiques à chaque fois pour Noël, Halloween, tout ça. Et ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'en film long métrage, Mickey, le dernier qui est un chef-d'œuvre absolu que je vous conseille, c'est Mickey, Donald, Dingo, les Trois Mousquetaires. Pour regarder ce dessin animé, il dure une heure. Ça c'est très rare, une heure. C'est un chef-d'œuvre, c'est un bijou. Il est cool, celui-là. Ils ont pris les musiques de Casse-Noisette. Ouais. Et ils ont fait une histoire des Trois Mousquetaires. Bah le concept est déjà, t'es là, tu fais pourquoi t'as pris Casse-Noisette, on sait pas trop. Même si c'est une référence aussi avec Casse-Noisette, parce qu'ils ont fait aussi l'adaptation des courts-métrages, machin, avec Mickey, etc. Mais je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Et franchement, niveau qualité, c'est l'intelligence de Disney, c'est qu'ils sont rares. Et ça, c'est une intelligence. La Reine des Neiges 2 est pas sortie l'année d'après ou deux ans après. Là, c'est sorti quoi, 3-4 ans après? Oui. Il va bientôt sortir. Temps pour très bon truc. Mais aujourd'hui, il y a plus d'images. En tout cas, aujourd'hui, parce que c'est sûr que moi, quand j'étais enfant, Disney, c'était Mickey. Aujourd'hui, tu. Après, c'est vrai que je vois quand même, beaucoup d'enfants qui ont les jouets ou les sacs Mickey quand même. Ou en tout cas, il est moins mis en avant que d'autres personnages. Pourquoi est-ce qu'il est moins mis en avant et qu'il nous marque moins? Parce que c'est une mascotte. Il a été créé, à l'époque. Pas avec des problématiques, alors que les personnages qu'on regarde sont des personnages. On les a découverts auprès des films. Nous, en gros, des gens des années 90-2000, on connaît Mickey en tant que mascotte. Quelle problématique il a, Mickey, à part être heureux? Voilà. Aladdin, Simba, si on reste sur du Disney. Au départ. Hein. Oui, au départ. Parce que après, ça change, ça évolue. Ils ont, évidemment, ils ont mais c'est un personnage qui a été créé en tant que mascotte. On peut lui rattacher toutes sortes de problématiques qu'on veut dans le futur. Mais il n'a pas d'identité propre. Au sens, il n'a pas d'histoire. En tout cas, c'est une mascotte. Non, c'est vrai. Après, on peut le dire. Après, moi, là où je repars sur mon truc, non, je suis pas d'accord parce que j'ai regardé plein de petits courts-métrages avant où il y avait Mickey, il y a plein d'histoires, il lui est arrivé plein de trucs. Ah oui, oui, des choses où Mickey n'est pas le héros, entre guillemets, voilà, où il est un peu. Voilà. Alors un que peu maintenant, c'est un peu salaud, un peu. Là où je dis débilité, c'est Mickey en mode. Oh, mais où est ma maison? Oui, bah là, oui, bien sûr. Mais en même temps, là, je vais défendre, c'est pour les enfants, mais c'est pour les petits. Bah oui, mais avant c'était pour les petits et les grands. Mais je pense qu'avec Mickey, là où ils ont été vraiment toujours les meilleurs, et je pense que c'est ça, parce que c'est aussi un peu l'esprit des Looney Tunes, parce que c'est pas la même. Je suis pas d'accord. Mais il y a un truc, c'est que c'est les films qui font où ils divisent par plusieurs courts-métrages. C'est-à-dire que tu vas regarder un film, donc tu as un truc en fond. Puis en fait, le film, c'est plusieurs courts-métrages divisés. Avec un court-métrage, je sais pas, de 1940 sur Mickey. Puis ça se trouve, le suivant, ça va être un de 2010, tu vois. Et ils font des compilations. Et on arrive à apprécier Mickey, parce qu'effectivement, là, on l'a dans plusieurs époques, à plusieurs époques, dans plusieurs situations, plusieurs voix, plusieurs choses comme ça. Des trucs comme ça, c'est bien. Incroyable, et je tiens à dire à Disney, c'est qu'il y a des films des années 30, 40. Mais qui passent encore et qui ils ont remasterisé, mais c'est magnifique. Hein. Bah, tu vois pas que ça a 60 ans, 70 ans, 80 ans. Et Blanche-Neige, c'est incroyable. Blanche-Neige, ils l'ont remasterisé parce que quand même, on voit quand même un grain différent. Mais c'est incroyable. Voilà, tu viens de tout dire en deux secondes. Si, et la maison de Mickey dans 10 ans, ça va être quoi à ton avis? Non, mais alors là, je suis d'accord et je crois que j'ai trouvé la raison pourquoi c'est moins immortel et moins sacré. Moins intemporel. Oui. C'est le dessin. Exactement. Ah oui, effectivement. 3D, ouais, voilà, mais ça c'est sûr. Parce que quand ils ont fait La Princesse et la Grenouille, même si ça n'a pas eu un succès, j'ai adoré. Ouais. Ça a plutôt pas mal marché, je crois. Et ben, il y avait la chose. Il y avait le truc, il y avait le grain qui fait que ça marche. Lilo Stitch. Il y avait le grain aussi, il y avait le truc qui fait que c'est un dessin animé, c'est du dessin et que c'est bien fait. Il y avait des effets 3D aussi. J'aime beaucoup. Si la 3D est bien faite, on peut aussi s'attacher. J'aime beaucoup. Shrek, par exemple. Mais bon, là, c'est pas très bien. Même Toy Story, hein, tout simplement. Toy Story, voilà. Mais Toy Story, ça a été pensé aussi différemment et ça marche dans le scénario. C'est-à-dire que c'est intelligemment fait parce que c'est beaucoup plus vivant un jouet qui va être en 3D qu'un jouet en dessin animé. Alors c'est pour ça qu'ils ont adapté ça aussi. Et puis c'était la nouveauté. Après, aussi. Pour en revenir rapidement à Mickey et de sa personnalité, au fait qu'ils sont développés dans plus ou moins de films. Le truc c'est que, faites un petit test, vous serez toujours plus attaché à un Donald ou un Picsou qui a une vraie personnalité qu'à un Mickey. Et tout à l'heure, le comparatif avec les Looney Tunes, malheureusement, même pour moi, il est faux parce que Mickey centralise trop. Regardez, la mascotte des Looney Tunes, c'est Bugs Bunny. Bugs Bunny face à Mickey. Bugs Bunny, on... Bugs Bunny, quoi, 9 docteurs. Voilà, on connaît, il est un peu malicieux. Il a quelque chose. Mickey, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux regarder un film Mickey qui est cohérent et regarder un autre film Mickey où limite ce sera un autre personnage, mais qui est totalement cohérent. C'est vrai, exactement. Ça marche parce que c'est court. Parce que ils en font pas des tonnes. Et Mickey, je pense que c'est ça. Mickey, il a pas besoin de conditions, il a pas besoin d'être le héros d'un film. Exactement. Vous prenez des trucs directs, tous les BD, vous mettez 15 courts-métrages de Mickey. Et les ça, ils l'ont fait, j'en ai donné comme ça. Moi aussi, j'en ai un. Le truc, c'était d'ailleurs, c'était le club. Hein. C'était le club, c'était un truc spécial Halloween. Et donc, t'as Mickey qui est dans son club, puis il présente, puis donc t'as la trame en fond, quoi, avec Mickey et tous les personnages. Et puis, au final, t'as le. Je crois que t'aurais de rigoler, toi, la chanson. Non, parce qu'on a vu la même cassette, là, avec tous les personnages méchants, on kiffe. Oui, voilà. Quand t'as ça à Noël et que tu fais, oh putain, il y a un film avec un métrage, t'as plein de sortes de crochets. Voilà. Quand t'as 12 ans, même pas 8 ans, attends, c'était quoi, 8 ans? On avait 8 ans, c'était pas vrai. Ouais, mais moi, par exemple, je garde beaucoup plus de beaux souvenirs des courts-métrages que de la trame. Sûr. Rappelez-vous l'adaptation de Scrooge avec Picsou et Mickey. Mickey, il est 5 minutes dans le film. Le pauvre et tout. Oh, le pauvre. Et Picsou, là, ils ont créé un personnage. Mais là où c'est vrai, c'est même dans toutes les sagas. La Picsou et tout qui passait tout dans tous les univers. Justement, peut-être que ça aussi, ça joue. Le fait qu'aujourd'hui, à Noël, on n'avait plus ça. Moi, à Noël, je regarde, il n'y a plus les Picsou et tout. J'aimais bien. Quand j'étais gamin, ça passait. On tombe un peu dans les vieux cons, là. On fait que ce point. On a le côté nostalgique. Mais j'aimais bien. C'est aussi comprendre pourquoi aujourd'hui, Mickey n'est plus le personnage que nous, on a connu quand on était petit. Est-ce qu'on l'a vraiment connu? Qu'est-ce qui a changé? Bah moi j'en ai on l'a déjà connu que c'était ça. Une blague. Non, mais après c'est vrai. Non mais c'est vrai, tu te dis, c'est-à-dire que ça passait pas tous les jours comme les Looney Tunes où tous les soirs t'arrivais c'est à 8h comme ça. C'est mais on va enchaîner avec l'info suivante qui est en lien direct. C'est quand même la plateforme Disney Plus qui arrive. Oh là là. Bah ouais, ça. Donc je vous rappelle quand même, dans cette plateforme il y a tous les longs métrages et tous les projets entre guillemets, toutes les œuvres liées à Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et les trois nouvelles séries, deux séries Star Wars et une série sur Loki. Ça va faire mal. De la saga avec Tom Hiddleston, et le truc c'est qu'à un moment donné, donc Netflix et puis toutes les autres plateformes, hein, Amazon et puis je pense à Canal, etc. Ils vont perdre un peu, là. Ils vont tout perdre en autant qu'on se dise, et ils vont tous se faire bouffer. Enfin Netflix, mais c'est garde ses séries exclusives à la Fox aussi, mais c'est intéressant parce que là avec Disney qui est une grande puissance, on passe à un nouveau monde audiovisuel. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils vont arriver, parce que Netflix, déjà quand ils sont arrivés et quand ils ont dit Netflix ça va être dans le monde entier, putain, quand ils ont fait cette annonce, c'est incroyable. Et Disney, ça va être la même chose. Ah là, Netflix, ils vont tous descendre direct. Ah, déjà, Amazon Prime, je vois pas comment ils peuvent réussir à rester. Si, le seul truc Amazon Prime qui peut sauver, c'est l'un des anneaux. C'est vrai qu'il y a une série, c'est l'un des anneaux en préparation. Ouais. Ça peut les sauver. Sinon, j'avoue, mais tu t'imagines avec trois comptes, un Amazon Prime, un Netflix, un Disney, ça va être ça. À un moment donné, il va falloir faire un choix. Bah, le problème, j'avoue, c'est moins cher pour les Américains. Parce que les Américains payent $100 par mois pour avoir HBO, pour avoir les chaînes. Parce que les chaînes sont quasiment toutes payantes, en fait. Et nous, on a cette chance-là. Quand Netflix est arrivé chez eux, c'est la révolution internationale. C'est Netflix, pour eux, c'est pas cher. Et nous, pareil, c'est pas cher non plus, parce que 10€, 12€, franchement, honnêtement, c'est pas cher pour tout le contenu. Après, en plus, c'est que le catalogue Netflix américain, c'est pas le même qu'en France. C'est 30% de programmes en plus. Je rentrerai pas dans les détails parce que c'est chiant et que je les ai pas, mais en gros, la législation française ne permet pas d'avoir autant de droits qu'aux États-Unis et au Canada. Oui. Et je tiens à te dire qu'ils ont changé la loi récemment par rapport, tu sais, à la loi des médias, entre guillemets, pas la je ne me rappelle plus le nom. Mais c'est quand un film sort au cinéma, après il y a un temps spécifique pour avoir le DVD, la diffusion télé. Et toujours en dernier, c'est toujours les plateformes en dernier. Et ça a duré, je crois que c'était 3 ans quasiment, entre la sortie d'un film au cinéma et pour l'avoir sur Netflix. Et maintenant, ils ont réduit, je crois, à 1 an et demi. Quelque chose comme ça. C'est déjà ça, mais c'est bon, déjà une étape. Il y a plus de films maintenant sur Netflix. Là où Disney ont été carrément intelligents, et c'est là où ils vont être les maîtres, c'est qu'ils ont toutes les licences maintenant avec le reste de la Fox, toutes les licences plus importantes. Parce qu'ils vont retirer tous leurs programmes des autres. C'est-à-dire que sur Netflix, ils n'ont plus de Marvel, plus de Star Wars, plus de Walt Disney, plus de. Moi je disais, s'il faut faire un choix, moi je pense que je garderai Netflix et Disney. Mais si la série Seigneur des Anneaux est bien, je vais pas prendre Amazon pour la série. Oui, mais après on peut dire ça. Après, tu peux faire un mois et. Ouais, sinon, voilà. Il faut rajouter qu'à tout ça, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars. Est-ce qu'on peut dire que Disney, ça va être le nouvel Hollywood? C'est Hollywood, ça va être Disney maintenant. Parce qu'on pense à Warner, les studios Warner, etc. Studios à un moment donné, ça va devenir Disney. Ça va être les mettre. Mais Hollywood, Hollywoodland, on va le foutre, on va mettre juste la tête de Mickey et puis on va comprendre qu'on est. Ouais, mais il y a un moment, je peux dire, c'est qu'il y a des choses qui vont se ressentir. Par exemple, les Star Wars. Non, parce qu'ils font des films live. Ils ont toujours fait des films par exemple, les Star Wars, surtout à la vitesse avec laquelle ils vont, à un moment ça a plus marché. Les Pixar, à chaque fois qu'à l'époque, hein, les premiers, je crois qu'un Pixar sortait, c'était l'événement. Là aujourd'hui, il y en a tellement mais que finalement, on fait le tour. On se dit, bon, bah, celui-là est peut-être moins important, on va plus s'attendre celui-là. Puis, moi, j'ai je reste quand même. C'est le cinéma communautaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va être tous dans un groupe fan de Star Wars. Donc, ça va être des films pour les mecs de Star Wars. On va être fan de Marvel, ça va être des films pour les mecs de Marvel. Alors, on peut être fan des deux. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va être une communauté, mais même plus par rapport à sa foi, mais ça va être une communauté par rapport à ce qu'on aime maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Mais on peut aimer plusieurs choses. Exactement. Mais ça va être vraiment du fan service. Ça peut faire. Ça va plaire à eux. Ça va plaire, Dans les mondes de Ralph, on voit. Enfin, moi, j'ai vu que la bande-annonce parce qu'il n'est pas encore sorti. Mais quand il arrive et qu'il y a tout les internets comme ça, et c'est que du Disney en fait. Enfin, partout, c'est Disney. Après, il y a un truc que j'ai peur de ce film-là, c'est que par exemple, il y a un moment où on voit les princesses Disney. On voit un peu trop les dernières. Il y en a un peu des anciennes, mais il y a des princesses Disney qu'ils ont oubliées, que je trouve super importantes, qu'ils auraient pas dû oublier. Comme qui, par exemple, Kida Atlantide. Oui, ah, bah alors oui, ça, alors super important. C'est une mais comme pour eux, ça n'a pas marché. C'est pas une mais la différence. C'est une parles du monde des Ralph. C'est la fille du roi d'Atlantide. C'est pas une princesse Disney dans les princesses Disney de Kingdom Hearts ou de. Je vais te dire ce que Walt Disney a écrit au début. Chaque personnage féminin principal d'un classique Walt Disney est considéré comme une princesse, même si elle n'a pas le statut dans l'histoire. Tu as vu Walt Disney dans les tout premiers. Et si elle est officielle, c'est Walt Disney. Je déconne pas, c'est Walt Disney. Si elle est pas dedans, c'est parce que Mohamed l'a dit, parce que le film a pas assez marché. Ce qui est malheureux parce que c'est un des meilleurs Disney du monde. On est d'accord. Oui, oui. Puis dans le monde des Ralph, le but c'était pas, c'est surtout de faire la petite fille une princesse. C'est surtout ça. En même temps, c'est une question popularité aussi, hein, tout simplement. Mais Moana, elle y est pas. Je crois que c'est Moana de Vaiana. Oui, il y a la Reine des Neiges. Il y a Mulan, mais en même temps, peut-être parce qu'elle est petite aussi. Il y a Belle, Mulan, Jasmine. Princesse, c'est la grenouille. C'est la grenouille. Elle, c'est bien qu'il est mis quand même. Il y en a plein, c'est comme Robin des Bois. Parce qu'il y a aussi un manège. La maison fantôme qui fait partie de l'histoire du truc. Mais il y en a plein, parce que regarde. Robin des Bois, c'est juste que c'est pas un humain, c'est une renarde qui joue. Ah bah ouais, c'est compliqué. Tu prends Pocahontas, Peter Pan. Tu fais ce que tu veux avec les animaux. Les tigresses, ils n'ont pas mis. Pourquoi est-ce que les tigresses c'est pas le personnage principal? Il y a la rebelle. Tu fais ce que tu veux avec les animaux. Non, ils ont pas mis rebelle. Je crois qu'ils l'ont mis. Figure-toi que les renards. On vérifiera, mais il me semble. Ça crie très fort. Bien celle avec les longs cheveux roux, c'est ça? Ouais, roux. Il me semble qu'ils l'ont mis. La réponse, c'est la blonde avec cheveux longs, mais c'est pas. Donc ils ont mis réponse et non, mais il me semble qu'ils l'ont mis rebelle. Je crois. En tout cas, Kida, moi je suis triste. Elle, ça me suffit un peu plus. Après, ça sert à rien parce que si on en met trop, de toute façon, les yeux seront. Mais ils ont mis que sur ce point. Mais même juste en arrière-plan. Ouais, c'est vrai, mais en mode fan service, je suis comblé, il y a ma princesse préférée. Ouais, franchement, oui. Parce que je suis désolé, Kida. Quelle est votre princesse préférée et après on enchaîne. Quelle est ta princesse préférée? Kida, pour moi, c'est la plus badass. C'est la plus ouf. Atlantide? Oui, parce qu'elle n'est pas stupide. Elle est très jolie en plus. Et elle est très jolie. Elle n'est pas stupide. Elle est au courant de tout ce qui se passe dans sa cité. Elle veut apprendre des humains qui viennent chez eux. Son père, il dit non, ils sont dangereux, ils vont tout détruire. Ce qui est vrai. C'est vrai que visuellement, quand même, elle est très sympathique. Elle sait que sa population est dans la. Je suis en train d'y penser. Que sa population est un peu dans la merde, désolé de dire. Et elle sait qu'il faut un peu apprendre des étrangers pour peut-être s'en sortir. Elle sait tout ça. Mais moi, je trouve qu'elle est très intelligente. C'est pas une princesse genre en mode moi je me suis piqué le doigt, je vais dormir. Ouais, non, c'est une guerrière. Oui. Ça fait longtemps qu'on fait plus de princesse comme ça. Je peux pas choisir entre Vaiana et Réponse. Eh ben, tu choisis pour elle. Allez, Réponse. Allez, je me demande. Pourquoi tu peux pas choisir entre les deux? Parce que Vaiana, il y a eu un coup de cœur, parce que c'est récent quand même, Vaiana. Réponse, c'est un peu plus. Vaiana, c'est une princesse de chez moi, quoi. Ah oui, bien sûr. Et puis Réponse, j'adore. Je sais pas, je trouve elle est. Elle est intrépide, elle est drôle. Okay. Voilà. Mohamed. Ma princesse préférée? Ouais, à part ma femme. Ça serait très beau. Sinon je fais un montage. Kara, et c'était un peu lourd. Je suis sûr, c'était exactement l'inverse. Celui qui était là pour le truc. Mais bon, c'est magnifique. Oui, le chroniqueur de la semaine dernière aurait dit l'inverse. D'accord. Il a pas hésité à tailler sa femme. Ok. À part ma femme. Kara, on t'embrasse. Comment s'appelle-t-elle? Lina. Et on fait un bisou à Lina. Voilà. Et à Nicolas Cara aussi. On fait un bisou. Attends, on fait un bisou aux gentils, aux personnes qui sont sympathiques. Mais moi j'embrasse Nicolas et sa femme, j'espère qu'ils vont bien. Eh ben écoute, j'en ai deux, mais je vais faire court. Belle, parce que c'est quelqu'un d'intelligent, d'érudit et qui va au-delà des apparences. C'est vrai. Ben. Et Mulan, parce que moi j'aime les femmes qui se battent, j'aime les femmes qui prennent le destin en main et qui sont guerrières, quoi, concrètement. Je suis d'accord avec les deux choix. Après, j'ai pas entendu le deuxième, j'étais concentré sur Notre-Dame de Paris. Mulan. Mulan. Parce que c'est une femme qui se bat, qui. Oui. Film événement dans les années 90, quand même. Ouais. C'est une femme qui se déguise en homme. Non, mais on n'y pense pas. Ouais. Mais quand même, pour l'époque, il y a quand même quelque chose. C'est vrai. Un Disney où il y a un travestissement. C'est quand même rare. Ouais, donc Belle et Mulan. C'est mes deux princesses préférées. Notre cher Gauthier. Je vais dire Mulan aussi. C'est le seul vraiment classique Walt Disney. Un des seuls que j'ai aimé classique Walt Disney. Moi je choisis l'ultime. Moi, celle qui... Je me marie avec si j'étais dans le monde Disney. Blanche-Neige. Je kiffe Blanche-Neige. Sérieux ? Et pour un élément spécifique déjà, elle était jolie. Mais la voix, les chansons... Oh là là, je peux entendre Un jour mon prince viendra pendant 3h30. Je m'en fiche. Tu trolls. Hein ? T'es sérieux ? Ah ouais, non mais là, il... ouais, moi aussi, je... Non, non, moi, je... Il va vraiment falloir qu'on discute un jour. Et après, il me dit Blanche-Neige, c'est vrai. C'est vrai que Blanche-Neige, c'est la base. Mais Blanche-Neige, ok, elle a des qualités. Mais elle est un peu creuse, non ? Ah ouais, complètement. Attendez, insulte pas ma femme, ok. Tu vas te calmer tout de suite, toi. Non, non, non, non, sans déconner. C'est elle. C'est après, pas si elle. Tu veux des animaux chez toi à chaque fois que tu rentres, c'est ton ah, problème. Oui, c'est vrai, pardon. C'est mais... pas elle qui rencontre une fois son mec et qui est. Qui voilà, est... Non, après, mais c'est comme toutes non, les princesses au début de Disney, oui, voilà. Quoi. Oui, oui, comme la Belle au Bois Dormant. Après, elle a quel âge ? Elle a 80 ans. C'est pas grave, moi je m'en fiche. Ah oui, c'est vrai. C'est un minou, ça, c'est un minou. Un petit détail. Ça, je dois. Allez, sortez cette phrase, faites attention. Ça, je veux te dire. Censuré. Tu parlais bien sûr des entrechats, là, où je sais pas comment ça s'appelle. Il parle des Aristochats, bien sûr. Duchesse, oui. Oui, Duchesse, oui. Je veux juste dire aussi que j'aime beaucoup Vaiana parce qu'il n'y a pas d'histoire amoureuse. Voilà. Ah, c'est vrai, ça c'est bien. Ça change, il y a une femme forte qui se bat pour ce qu'elle veut, elle, et pas pour un mec. C'est vrai que c'est bien. C'est vrai qu'il y en a marre à chaque fois qu'il y a un perso féminin. Soit obligé d'avoir un super doublage d'Anthony Cabana. Je tiens à le dire quand même parce que j'ai trouvé génial. Moi je l'ai vu en anglais, donc je peux pas dire. C'est vrai. J'aimais bien, bien relevé. Est-ce qu'on est prêt pour. Alors j'ai envie de faire le box-office parce qu'il est 19h17, les gens. Donc on est parti, le box-office France, et après on enchaîne avec notre cher Gauthier qui va nous faire le box-office américain. Et ensuite on fait le gros fight. On parle de Bohemian Rhapsody et on fait une petite pause. Alors attention, j'ai envie de vous faire un petit quiz comme ça. Qui est premier d'après vous ? Là, de cette semaine, moment, de cette semaine. En France. Ah non, mais pas Bohemian Rhapsody. Juste en France. Bohemian Rhapsody, non, mais toi, tu triches. Sur quoi ? Sur ce qui est sorti depuis mercredi ou tout ce qui est à l'affiche ? Non, ce qui est sorti depuis mercredi. Non, de tout ce qui est à l'affiche, mais depuis mercredi. Qui est en tête ? C'est en France. Qui est en tête cette semaine ? Cette semaine, qui a fait le plus d'entrées cette semaine ? Le Grand Bain. Non, monsieur. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, oui. Et je vous dis en cumul, 1,8 million. Là, ils sont à 1,8 million. Ce qui est quand même un super score. Tu vas pleurer quand tu sauras qui est le numéro 1 aux États-Unis. Du coup, deuxième position, Le Grand Bain. 3 millions, ils ont passé les 3 millions. C'est bien, 3 millions 175. J'ai vu les gens aller dans le film. Bah, tu vois, pour le coup, moi, j'ai Lelouch. Moi, pour moi, j'avais une vision de lui où il avait fait déjà réalisé plusieurs films, tu vois, il en était non, déjà là. Et finalement, c'est Le Grand Bain, c'est son premier. Et à ce qui paraît, bah, c'est plutôt. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, on en a parlé. Et franchement, un film de qualité et à conseiller pour s'amuser. Et en plus, un film qui parle de beaucoup de choses différentes. Mais malheureusement pour lui, il faut que j'aille voir Les Animaux Fantastiques 2. Il y a plein de trucs à voir, en fait, c'est ce que j'ai envie de dire. Un sale temps, L'Hôtel et les Royales. L'Hôtel et les Royales, celui-là. Grand Bain passe après. Troisième position, Fabrice Lucchini. Un film que j'ai vu, un peu pressé. 293 000. Je tiens juste à faire une petite critique de ce film maintenant parce que sinon on n'aura pas le temps. J'ai vu ce film la semaine dernière. Lucchini est super bien, c'est un rôle pour lui, c'est un rôle, voilà, c'est le seul qui peut vraiment juste être fabuleux dans ce personnage là. Le film est sympathique, le film est simple, le film est classique. Il n'y a pas de grosse surprise non plus, il y a un peu trop de zigzag entre j'y arrive pas, donc à un moment donné. Je veux dire, il y a des mécaniques scénaristiques un peu faciles, mais sinon vraiment dans le jeu, c'est ça qu'on aime. C'est vraiment un film à aller voir le jeu des acteurs. Le personnage de Lucchini, parce qu'au final, le personnage, il ne ressemble pas un peu dans son état d'esprit. Tous les personnages. Parce que j'ai l'impression que le personnage de Lucchini, il est un peu. Ah oui, je vous l'imagine. Ah oui, bah après, il va pas non plus faire un rôle incarné d'un personnage. Non, mais je trouve qu'il lui ressemble bien, genre c'est. Mais Gauthier, est-ce que tu connais un rôle de Lucchini où il est autre chose que lui-même ? Ouais. Et bah franchement, c'est rare. Avec Manu Payet, où il joue l'horticulteur. Ouais. C'est quel le film ? Je sais plus c'est quoi le film, il joue le père de Manu Payet. Un moment inattendu, non. Je l'ai pas vu. Mais j'ai rarement vu Lucchini, c'est autre chose que du Lucchini. Le film qui est passé inaperçu en tant qu'on dit, je l'ai vu en plus. Mais quand on entend parler, il me fait beaucoup penser à Lucchini, tu vois, le personnage de Lucchini dans cette interview et tout comme ça. Je tiens juste à dire un petit conseil cinématographique, allez voir Alceste à bicyclette, c'est un des meilleurs de Lucchini, c'est pour mon avis personnel. Le jeu, quatrième position, le film qu'on a un peu démonté ici parce qu'on le trouve totalement quasiment ignoble. Ça a marché 1,3 million. Même si Vincent Elbaz était génial dedans. Non. Mais qu'est-ce qu'ils font encore boxer ? C'est une bande de salauds partout. Et on peut même pas s'attacher à aucun des persos aussi. Oui, mais en même temps, j'ai réfléchi aussi. Je me suis dit quand même, on est en train de dire un film qui est mauvais juste parce que les personnages sont mauvais, mais dans le sens dans le fond. En même temps, bon, c'est un film, c'est une proposition. La morale de l'histoire. Mais c'est pas grave, c'est un film. Mais quoi ? C'est quoi la morale de l'histoire ? Tromper votre copine et votre copain. Oui, mais on n'est pas à Disneyland. Je veux dire, après, c'est comme ça. Pour moi, c'est la morale de l'histoire. Le scénario est comme ça, il est comme ça. Là où j'ai pas kiffé, c'était vraiment certaines choses qui sont pas nécessaires. Et le truc que j'ai pas kiffé, ok, je peux comprendre. Et le malaise, c'est très malaisant. C'est un film malaisant. Voilà, c'est un film malaisant. Moi, je peux comprendre qu'ils veulent montrer tout ça, ok. Par contre, j'aime pas la fin. T'annules tout. Bah non, t'annules pas tout. Mais tu viens de spoiler. Oui, spoiler. Tu viens de spoiler un film qui est encore au cinéma, mais j'étais beaucoup. Et bon, tu sais quoi, les gens l'ont je ne couperai pas cette séquence parce que bon, n'allez, est-ce que c'est si important pas. Moi, je n'aime pas voir ce film. Il y a oui, des blagues. Non, je dirais pas ça, je dirais juste que le film. Il a combien d'entrées là? Il est, il est très négatif en fait. C'est un film sombre. C'est moi, un film moi, j'ai vraiment... eu mal au cœur quand j'entendais des gens se moquer dans la... rigoler dans la salle pour un truc qui pour moi n'était mais pas. Moi, j'ai pas rigolé, j'avais envie de sortir de la salle. Un film un peu franchement aussi. Bon, mais bobo dans le sens où. Pas bien, c'est un film avec des bobos, deux bobos, et on se. Non, ouais. Il manquait quand même un côté positif. Mais bon, après, c'est une proposition. Moi, je dis non. J'ai pas envie de cracher quand même sur le film. J'ai craché. J'ai juste dit que voilà, à un moment donné, j'étais tellement. C'est très malaisant qu'on n'est pas non plus très à l'aise, mais bon, le film il est pas non plus un navet, on faut pas dire ça non plus. Non, mais il y a des gens qui vont la morale te plaît pas quoi. Mais... Ah, j'aime pas la morale, non. Après, il peut être bien fait, même si le message te plaît. Il est pas dégueulasse, il est pas dégueulasse. Ah, si, moi, j'ai pas ça fait un peu un film Ikea, hein. C'est à dire qu'on a l'impression vraiment que vous êtes dans une fosse, tout est faux, on sent que tout est studio. Par contre, c'est ça, mais voilà. Film Ikea, ouais, c'est pas dit. Bon, ok. Après, mais moi, je dis pas que c'est un navet parce que je préfère même des navets à ce film là. Oh lolo, oh lolo, cinquième position en liberté que j'ai pas vu. En liberté, cinquième position de Pierre Salvadori avec Pio Marmaille. 503 000. Eh ben, mes aïeux, plutôt pas mal pour un film quand même qui a pas eu une promo gigantesque. Sixième position, fait rapide Star is Born avec un cumul de 1 500 000. Bon, bah ça a été un petit succès, on va dire petit quand même. 1 500 000 avec Star is Born. C'est pas ouf, 1 500 000. C'est pas ouf quand tu compares. Star is Born aux États-Unis, c'est un carton. C'est pas ouf pour le. C'est un carton aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. C'est quand même le troisième remake dessus. On voit les Français à quel point. Yeti et compagnie, qu'on est allé voir tous les deux Gauthier en amoureux, 1 600 000. Non, je plaisante. 1 600 000, mais il faut rebondir parce que sinon ça fait malaisant. Oui, mais c'est pas. 1 600 000. Il dit rien. 1 600 000. Bon, qui ne dit mot pas. Ah, bah d'accord, tu me fais un tout aveu. C'est très sympathique. 1 600 000, gros succès quand même. Yeti, parce que pas gros, mais pas de promo du tout, en fait, quasiment. Film Warner, bon, voilà, succès. Le dessin animé, succès. Après, il est sorti pendant les vacances, c'était un des seuls dessins animés. C'est un peu normal. Pas un truc pour les enfants, mais c'est vrai que le seul truc qui est intéressant dans ce film, c'est que pour le coup, on échange un peu le rôle. Ouais. C'est-à-dire que l'humain, l'Yeti passe un peu pour l'humain et l'humain passe un peu pour la bête, tu vois. Donc c'est... Après, on a un film qui a pas du tout trop marché, c'est Un Amour Impossible avec Virginie Efira, 95 000. Tu te dis pourquoi c'est un film de, avec, non, écrit par Christine Angot. Tu mets la bande-annonce, t'as vu tout le film. Oui, alors en fait, non. Parce que c'est faux. Ah bon, ah bon. J'ai pas vu le film, mais on m'a dit que c'est faux. En fait, on te montre l'histoire, et en fait, l'histoire n'est pas celle que tu vois. Faudrait faire une chronique sur ça un jour. Sur les bandes annonces. Oh là là. Ah, ça, c'est ouais, c'est un vaste sujet. Grande histoire, là. Ouais. Sinon, je suis en train de chercher ce qui n'a pas trop fonctionné, mais j'ai l'impression que Saltan à l'Hôtel Royal, bah, ça a pas fonctionné. Ah merde, mais ça c'est dommage. Il est sorti il y a pas longtemps aussi. Bah ouais, il est sorti mercredi. Il est sorti Saltan, ça l'a pas fait. Ça a raflé, ça a raflé. C'est pas faux. Faut lui laisser le temps. Promo catastrophique. De des affiches. C'est vrai. Et rien. Ouais, moi, tu veux que je te dise, c'est l'affiche qui m'a donné envie. Même pas les gens, une interview sur Allociné. Alors qu'à Allociné, ils vont choper tout le monde. C'est vrai que pas une interview. C'est vrai. Bon, c'est vrai. Déjà, ça, c'est un petit peu bizarre. Pour savoir qu'il était sorti, il fallait s'intéresser au film avant. C'est ça. Fallait avoir vu la. Mais juste l'affiche. Puis ces derniers temps, ils ont surtout fait Bohemian Rhapsody et Overlord. C'est un autre film qui est aux Amériques. Ils sortent tout seul après la com. Alors qu'on peut pas, c'est vrai, faire la com de tous les films américains. Est-ce que tu peux nous faire le petit box-office américain rapidos pour nous dire un petit peu top 5. Donc en numéro 5, c'est A Star is Born. Donc alors ça c'est incroyable parce que à chaque vendredi, puisque les films sortent le vendredi, le week-end, des nouvelles recettes sont faites sur le site. Et à chaque fois, il perd sa place dans le top. Et il revient toujours en début de semaine. Donc là, il est revenu en top numéro 5. Donc pour un budget de 36 millions, le film a rapporté 325 millions. Et ça, c'est vraiment les premiers chiffres que l'on donne à un blockbuster. Quoi. C'est vraiment quand on n'a pas 300 millions pour un blockbuster, c'est déjà pas mal. Et donc c'est vraiment un gros succès. Et je trouve ça d'autant plus incroyable vu que c'est déjà, le troisième ou quatrième remake de l'œuvre. Donc c'est pas mal. Ensuite, en quatrième position, on a donc Overlord. Alors ça, c'est un film un peu spécial. Ça, moi, j'ai pas trop tout compris. C'est pas un truc de zombies nazis ou un truc comme ça. Je sais pas si. En fait, je sais pas si c'est de zombies ou de. C'est un truc comme ça. Hein, mais c'est soit de zombies ou de vampires ou je sais pas trop quoi. Ah d'accord. Mais c'est un film. J'ai l'impression que les films d'horreur, c'est que ça cartonne tout le temps. Celui-là, en tout cas, il y avait une attente aux États-Unis. Celui-là, il y avait une attente. Après, il a l'air de sortir un peu des clous, donc pourquoi pas. Après, voilà, il a eu un budget de 38 millions. Il a déjà rapporté 22 millions à travers le monde et donc aux États-Unis 11 millions. Donc ça peut pas beaucoup, mais on peut encore attendre. Mais 22 millions vers le monde, c'est-à-dire qu'on pense que le film va être rentable. En troisième position, si je me trompe pas, il y a donc c'est Casse-Noisette et les Quatre Royaumes. Avec un budget donc un peu plus élevé, 120 millions, donc ça c'est vraiment les budgets de blockbuster. Mm-hmm. Le film a déjà rapporté 99 millions à travers le monde, dont seulement 37 aux États-Unis. Donc là on va pas se cacher, c'est un bide, donc ça marche pas du tout. C'est pas étonnant non plus, hein, que ça marche. Après, pas. Après, il est pas encore sorti en France. Il est pas encore bah, en France. Je pense pas que la sortie française. Alors, il va peut-être pouvoir être rentable au niveau de son budget, mais il va pas faire de. S'il sort en Casse-Noisette, c'est partout. Ah, c'est vrai qu'il y a le scène musical, là où j'ai travaillé, le ballet chinois. Ouais. Là, au théâtre, à l'opéra, moi, je crois, de Paris, il y a le ballet russe, donc Casse-Noisette, version russe. Et au cinéma, là, ce film-là, j'ai l'impression qu'il y a une petite vague qui est en train de monter. Ça va... Et je pense que Casse-Noisette, ça va peut-être être la surprise un peu. Je dis pas non plus que ça va faire 3 millions. 28, ça va peut-être faire un petit 500 000, 1 million. Tu vois, bon, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de concurrence qui arrive là. Ah, c'est vrai qu'il y a Robin Desbois. Moi j'irai le voir. C'est vrai que la bande-annonce donne envie en tout cas. Moi, j'ai l'impression de voir Alice au pays des merveilles. Voilà. C'est le jeu. Là, sur le mois de décembre, là, fin novembre, début décembre, on va y avoir énormément de grands films. Il y a The Grinch, il y a le Spider-Man Generation, Aquaman, le Robin des Bois. Il va y avoir les vacances de Noël quand même. Attention, Camille. Il va y avoir les vacances de Noël quand même. Voilà. Donc ça va faire. Les films pour enfants. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a des films familiaux à part Casse-Noisette qui vont arriver bientôt? Il y a The Grinch. Typiquement, il y a Benedict Cumberbatch qui fait la voix. Il y a le retour de Mario Poppins, c'est Illumination que je peux pas. C'est vrai. Après, j'ai vu que les Moi Moche et Méchant, j'avoue, je kiffe pas. Ah non, je rigole, mais pas. Aquaman qui sort aussi. Aquaman, c'est vrai. Ouais, mais Aquaman. Ça, alors ça, mes amis. Après, Aquaman, c'est quoi? Tu veux que je te dise pourquoi il va marcher? D'accord, encore. Parce que c'est l'acteur de Game of Thrones. Non, parce que c'est le réalisateur. James Wan. Kim Demert. On verra. James Wan, pour moi, James Wan, le film ne peut que être réussi. Non, mais attends, mais moi j'ai l'impression, mais sans déconner, je pense qu'il y a 10 ans, on aurait dit on sort Aquaman, mais on aurait ri quoi. Aquaman, il y a 10 ans, mec, tout le monde attendait de sortir Aquaman. Non, tu connais pas les comics. Mais on pouvait pas. Moi, tu m'aurais dit il y a 10 ans Aquaman, j'aurais cru. Je parle pas des fans dessus. Moi, je parle des gens qui aiment bien de temps en temps. Il y a 10 ans, tu dis il y a Aquaman au cinéma, tu rigoles, tu te fous de ma gueule. Aquaman, ça existe ou quoi? Ouais, je sais pas, j'ai jamais été. Il était pas populaire, Aquaman. J'ai jamais été populaire. Non, c'est bon. Aquaman, juste le nom. Aquaman, c'est nul de la Ligue des Justiciers. Déjà, c'est comics. Franchement, Ant-Man, genre, ils ont fait. D'accord. Ant-Man, franchement. Je pense qu'il y a 10 ans. Je pense qu'il y a 10 ans. Non, t'es encore dans le faux. Ant-Man, je le connais super bien, parce que c'est un des fondateurs de. Oui, mais parce que t'es fan. Ah oui, moi, oui. Voilà, il y a 10 ans, Ant-Man, au départ. On va pas se cacher, il y a 10 ans, Aquaman était déjà quand même plus connu qu'Ant-Man. Oui. Aquaman, il a toujours fait partie des super-héros les plus connus. Mais il y a eu Superman. Il y a aucun gamin qui l'a acheté à la grande récré. T'as Batman, Spider-Man. Voilà. Mais parce que c'est son grand écran. Parce que la télé leur montre. À tête reposée, les gars, vous êtes gamins. On joue à la Ligue des Justiciers, on choisit tous un héros. Dites-moi, est-ce qu'il y en a un qui va choisir Aquaman, s'il vous plaît? Non. Ah bon, tu prends Aquaman? Oui. Je t'aurais vu en flash. Flash, par contre. C'est ça, tu vois. Mais le problème, c'est que là, on nous montre. Il a raison. C'est-à-dire que c'est ce qu'on dit rapide. Bon, bah là. On a sous les yeux que ce qu'on nous montre. C'est-à-dire que quand il y a les séries animées, quand on était gamin, c'est cela. La Ligue des Justiciers, moi, j'ai connu grâce à ces séries animées. Effectivement. Mais on parle encore une fois d'un public non spécialisé. Oui, voilà. Après, évidemment, le gars qui ne veut pas vous manquer de respect, surtout. Mais c'est ce qui est triste, c'est à cause de ce qu'il nous montre. En ce qui concerne aujourd'hui, en ce qui concerne 2018. Et ils l'ont introduit dans la Justice League. Effectivement, c'est pas un long film. Maintenant, je suis désolé, ils ont quand même fait un choix stratégique en prenant James Wan pour réaliser le film. Et James Wan, c'est quand même l'un des meilleurs réalisateurs américains du moment. Mais c'est pas le Calrogo là. Moi, c'est pas le film, c'est le concept de Aquaman. Ouais, mais dans Justice League, on a pu voir que le film a l'air bien. Justice League, il y a tout un truc de royaume, de vie. C'est un peu comme le Black Panther. Ça fait un royaume, un monde. Ça fait un peu Atlantide quand même. C'est Atlantide, c'est le roi de Atlantide. C'est Poséidon, c'est Atlantide. C'est carrément ça. Moi, en n'étant pas un mec lambda, comme on disait, moi, connaissant un peu plus les comics, il y a un vieux comics. Les chevilles, on se calme. Il y a un comic où tu vois, il y a Superman. Tu vas retourner au travail, tu vas voir. Sire, je ne suis pas un mec lambda. Je sais plus qui a dit ça, Aquaman, c'est le plus nul de Justice League. Je suis pas d'accord. C'est celui qu'on choisit en dernier. Je tout de suite. Peut-être avec Cyborg. Un super niveau parce qu'il y a un comics où Superman se bat contre Aquaman. J'ai pas dit ils sont au même niveau. Hein. J'ai dit le moins populaire, celui qu'on choisit en dernier. En force, ils se valent les deux. Hein. Non, mais dans l'histoire, sûrement. Mais je te parle pas de ça. Je parle celui qu'on choisit en dernier. On s'en bat avec tout de qui gagne contre qui gagne. Parce que après, c'est le scénariste qui va choisir. C'est l'impact du personnage. Est-ce que le personnage est assez puissant pour passer aujourd'hui? Oui, pour moi. Je rappelle mes amis. Les auditeurs, il y a eu un film quand même, mais quelle arnaque, Batman versus Superman. Ah, oui. On a tous vu ce film, on s'est dit, se fout de nous. C'est-à-dire que quand tu vois le scénario, tu fais, mais attends, mais moi je voulais voir un vrai combat entre les deux gars. Non, moi je suis. Là c'était en mode, on se tape, on sait pas pourquoi. Excuse-moi, on va se mettre en alliance. Martha, excusez-moi. Deux secondes. Est-ce que le film aurait été différent si ce serait pas appelé Batman contre Superman? J'aime la sensibilité. Mais là, c'est pas de la sensibilité, là, c'est n'importe quoi. Mais c'est rushé, c'est tout. C'est rushé. Écoutez, moi, j'adore Marvel, mais j'aime aussi beaucoup DC. Mais je suis désolé, est-ce qu'il y a un bon film d'ici? De tous les d'ici à un moment donné. Wonder Woman. Bah oui, bah oui. Ok, Wonder Woman. Non, pas Wonder Woman. Non, Moi je te sens un truc plus loin. Non, on enlève Nolan. Je te parle vraiment de ceux qui veulent faire, qui ont le projet de faire le DC Universe. Bah, ah, non. Mais t'enlèves Wonder Woman. Parce que moi, sinon, à part Wonder Woman, effectivement, qui sont pas mal, qui ramènent un vent fraîcheur, réalisé par une femme en plus, etc. Ok. Moi, je te sors deux films d'ici qui sont vraiment très très bien. Même, je vais mettre au-dessus des Marvel. On parle de l'univers. Moi, le premier, Man of Steel était plutôt bien. Est-ce qu'il y a des films qui n'ont pas été des déceptions, autant box-office que des critiques déjà, et en plus Man de Steel, ça, est-ce que Aquaman ne va pas payer cette mauvaise réputation? Si, c'est parce qu'il va se casser la gueule, alors, concrètement. Non, parce que je pense que Aquaman, ils ont fait énormément de promos, mais une promo différente. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir que des teasers, ils ont même sorti des scènes longues pour vraiment qu'on arrive à voir le teint du film, tu vois. Quand bien même, je pense. Gauthier, comme tu es expert, est-ce qu'il y a un film qui va être opposé, chez un Marvel qui va être opposé à Aquaman? Non, parce que si Marvel, il y a juste le film d'animation Spider-Man. Ouais, mais c'est pas pareil. Ils vont se faire démonter. Ouais. Ouais. Spider-Man, le mignon de la première semaine. Spider-Man, attends. Spider-Man, déjà, dessin animé, héros noir, plusieurs Spider-Man différents dans des mondes parallèles. Adaptation un peu du jeu vidéo qu'ils avaient fait Spider-Man. Spider-Man, c'est un million la première semaine. Tu rentres à la maison, tu prends une verveine et puis hop. En mars, il sort en mars. En mars, on a le temps. Après, moi, j'allais dire, bon, c'est pas DC Universe. Par contre, deux films DC qui sont vraiment bien que je les mets à part de tout ce qui est film super-héros. V pour Vendetta, c'est un sous-truc d'ici. Complètement d'accord. Et Constantine. Je suis d'accord, mais avec ce que tu peux, est-ce que je peux rajouter juste des films Zest, moi. Pour les films, merci. Le film de Zack Snyder, qui est pas un film c'est un film politique. Pas des films super-héros, mais moi je suis désolé, je suis pas d'accord avec vous sur l'univers DC parce que quand on a eu Superman Returns, je pense que j'étais quand même bien content d'avoir Man of Steel moi derrière. C'est-à-dire que Man of Steel, quand il est sorti, Man of Steel, c'est de la merde, moi j'ai aimé Man of Steel parce qu'ils ils se sont un peu éloignés de l'esprit, allez, on va aller se battre dans Metropolis, tout ça. Ils ont réussi à garder un certain côté mystère, une certaine trame pour que le personnage évolue. T'as fumé la moquette ou quoi? Attends, moi je vais te donner Smallville et après tu reviens. Avec un extraterrestre à deux balles, avec un extraterrestre à la fin. Man of Steel, faut se dire la vérité, c'est un repompage de direction artistique pseudo lambda de Nolan mal fait, avec un Superman qui n'est pas un Superman, parce que Superman, je suis désolé, c'est le Boy Scout, c'est pas le gars en mode. Mais non, mais là c'est. Ah oui, bah alors là par contre, faut se reprendre des comics, c'est que dans le DC Universe, ils se sont inspirés des comics récents, de 2008. Les comics sombres, les trucs, les renouveaux. Ton premier film Superman, si tu le poses. Pose le personnage symbolique, après va dans les histoires que tu vas, dans les pérégrinations. De toute façon, s'il y a un reproche à faire à tout le DC Universe. Mais si la suite aurait été différente, c'est-à-dire si la suite n'aurait pas été Batman contre Superman, peut-être. Ça aurait été différent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a un reproche à faire, c'est qu'ils ont tout rushé et ils partent dans tous les sens. Ah oui, c'est ça, ils font n'importe quoi. Mais ah ouais. Après, non. Cut, moi j'ai mal aux yeux. Hein. C'est pas le gâchis de Suicide Squad, ce que ça aurait pu être. Oh là là là là. Ce qui a suivi Man of Steel, c'est pour ça que Man of Steel, il a tout qu'il est un peu. Mais maintenant, ça aurait été Man of Steel, Wonder Woman, Man of Steel aurait eu sa part. Et je pense que Man of Steel n'aurait pas été un handicap. Batman contre Superman. Franchement, il est pas si nul que ça, je trouve. Batman contre Superman, il doit être trop sombre et puis il est catastrophe. Parce que j'ai regardé le dessin animé Dark Knight duquel ils sont inspirés, ils se battent pas. Quand mais Batman est vieux là avec la ressource, non, par contre, il a raison. Mais Batman contre Superman, surtout que cette année-là, il y avait Civil War qui sortait un mois après. Donc c'était un peu le truc. Il aurait fallu faire deux films. Moi, honnêtement, il aurait dû s'appeler Man of Steel 2 ou un autre truc ou chose comme ça. Mais Batman contre Superman, tu introduis pas Batman en faisant direct se battre avec Superman. Après, tu parles de Civil War, c'est la même chose pour Civil War. Il aurait pas dû s'appeler Civil War pour moi. Les films Marvel sont pas exceptionnels, hein. Au moins ils sont cohérents. C'est vrai qu'ils sont cohérents, ils sont assez feel good aussi. Ils vont faire un film Joker avec un autre acteur qui joue le Joker et peut-être un autre Batman parce que Ben Affleck machin. Non mais stop. Ils sont partis dans un reboot. Faites le Flash Paradox puis faites un reboot. Et un autre truc, c'est que voilà. Avouer que c'était pas bon et recommencer. Hein. Voilà, tout simplement. Quand tu commences un devoir et que c'est pas bon, tu déchires et tu prends une autre. Exactement. Là, parce que Suicide Squad 2, je comprends pas pourquoi ils. Suicide Squad 2, ils avaient mis David Ayer qui était pas un excellent choix. Là, ils ont mis James Gunn des Galaxies. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Je pense à relever. Ils ont annulé les Batman contre Superman, c'est-à-dire qu'ils continuent pas avec Batman contre Superman, mais ils recommencent avec Wonder Woman. Bon. Et puis, je pense qu'Aquaman va marcher. Hein. On va finir ce débat-là parce que sinon, on en a pour 2h30. Parce que j'ai l'impression. On pourrait faire un épisode spécial. contre, qu'on parlait des princesses Disney, on en est arrivé sur Aquaman. On parlait du blockbuster américain. Pour faire jeu. Non, court. Monsieur, je vous coupe tout de suite. S'il vous plaît, je président de l'Assemblée. Parce qu'il est. Oh. Non. On se fera un juste débat pour dire, parce que je disais est-ce que. On a fini le blockbuster américain. On a même pas fini le box-office. On a fini le box-office, pas le blockbuster, n'importe quoi. Box-office. Vas-y, parce que je voulais dire qu'est-ce qui n'a pas marché en France, parce que j'en ai d'autres. Qu'est-ce qui n'a pas marché en France? Oui. Non, mais parce que je dis juste, et après on revient à l'international. Juste aussi Kursk, aussi de Thomas Vittenberg. Ah, ça, ouais, avec le sous-marin, n'a pas marché du tout. Parce que, on est à 78 000, qui est une catastrophe, autant qu'on se dise. Bon, de raison, chacun pour tous, que... avec Ahmed Silla, attends, j'enchaîne avec tout le monde. Chacun pour tous, 70 000, c'est pas bon non plus. First Man, avec un cumul de 800 000, c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire non plus par rapport à La La Land qui a eu un gros succès. Crazy Rich Asians, 60 000, une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il était déjà dispo sur internet déjà depuis et puis aussi je voulais terminer aussi avec Jean-Christophe et Winnie qui a fait quand même 385 000. C'est pas mal parce que mais c'est pas bien. Non mais c'est moyen. Comme oui, monsieur. Dépêchez-vous. C'est pas mal, après mais on fait le bien. Jeu et après on parle donc. De Queen et après on va se coucher. Donc j'en étais à deuxième position. Donc Bohemian Rhapsody avec un budget de 52 millions de dollars, il a rapporté à travers le monde 290. Donc c'est pas mal. Je pense qu'il va passer la barre des 300. Et aux États-Unis, il en est à 104, donc c'est aussi pas mal. Aux États-Unis, quand tu passes déjà la barre des 100 millions, c'est déjà c'est pas mal. Okay. Et en numéro 1, et là par contre, ça me fait un peu yesh, c'est le Grinch. Ah ouais? C'est The Grinch. Donc, le Grinch, The Emanation. Après, quand on est sorti de. Je me souviens du Yeti, on était là, non mais le Grinch ça marchera pas, laisse tomber. Alors, non, aux États-Unis, c'est un carton. Moi j'ai pleuré, moi. Alors 91 millions pour son premier week-end, 91 millions c'est énorme pour son premier week-end. Il a un budget simplement de 75 millions, donc le film est déjà rentable. Et il a rapporté 78 millions aux États-Unis, 13 millions à l'Europe. On parle bien du monstre de Noël. Hein. Ouais, on parle du Grinch version animée, je trouve ça. Moi, c'est leur culture après. Ouais, c'est quelque chose qui leur parle. Après, le Grinch. Illumination, c'est vrai que c'est aussi qu'on fait le Lorax. Oui. D'ailleurs, ils ont essayé de passer aussi parce qu'ils comme des bêtes. Ce film-là, ouais, c'était vrai. Tu te rappelles de Comme des bêtes aussi? Ouais. Mais il était trop bien, Comme des bêtes. Une catastrophe. J'ai adoré. J'ai pas vu, mais j'ai déjà vu la bande. Mais j'ai vu. Bon, les moments chez Méchant, j'ai vu les deux. Si, j'ai vu les trois. Moi, je trouve que c'est marrant, ça se regarde. Ça me donne même pas les mignons, là, c'était trop lourd, par contre. Moi, c'est trop lourd. Et le Lorax, c'est le film d'animation de Noël. Je suis désolé, mais les films Illumination, moi, j'ai l'impression de faire des crises. À un moment donné, tu fais des crises d'épilepsie. Ils sont trop sérieux parce qu'ils ont marché avec Moi, je suis méchant. Mais au-delà de Moi, je suis méchant, il y a quoi? Il n'y a rien. Ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de creuse, il n'y a pas de respiration. À un moment donné, je suis allé voir Comme des bêtes, je sais pas si tu te rappelles, Camille. Il y a un court métrage des mignons au début. Une cata. Ah non, mais je dis. C'est ça qui t'a retourné le cerveau. Ah mais ça s'arrête jamais, il y a pas une pause, il y a pas une respiration. Ça gueule pendant du début jusqu'à la fin, j'en pouvais plus. Non mais ce que je voulais dire, c'est que j'allais laisser sa chance, mais c'est un style qui n'est pas le mien. Moi c'est le genre d'humour qui me fait rire. Moi ce que j'allais dire, c'est que j'allais laisser sa chance parce que moi chez Méchant, j'ai vu les trois. Ça m'a fait rire, j'ai déjà regardé. Les mignons, j'ai détesté. Là c'est vrai, trop de mignons. Tu le mignon. Le Lorax, une dope son nom pour moi. Et j'ai pas vu Comme des bêtes en plus. Ah bah c'est pour ça du coup. Et en plus de ça, c'est ton meilleur. Grinch, j'aimais bien le film. Alors pourquoi pas le dessin animé, aller le voir. Ouais, mais je laisse ça. On avait vu quelques images. Une fierté française parce que c'est quand même des studios français qui dessinent. Ah. Mais je sais en plus. J'ai envie de te dire. Non, mais après moi c'est personnel, c'est vraiment subjectif. Mmh. Hein. Après, voilà, je veux pas faire un jugement rapide. C'est juste que j'arrive pas. Je n'adhère pas. Je n'adhère pas. C'est comme ça. Comme l'univers d'ici de maintenant, j'adhère pas non plus. C'est trop. C'est quasiment mythologique, mais c'est même pas mythologique. J'aime la mythologie, mais c'est trop. Voilà, c'est trop. Mais bon, voilà. Mais après c'est un avis personnel. Après que les gens aiment, alors moi je respecte tout à fait. Et puis il faut du. Voilà, faut tout pour tout le monde. Hein. Voilà. Tous les goûts sont dans la nature, j'ai envie de dire. J'ai envie de faire un petit jeu, on est parti pour le gros fight. On est parti. Non, parce que sinon on en a pour 3h30 encore. Mais je t'aime beaucoup. Le gros fight, sur qui ça va être? Eh ben, j'ai choisi Vincent Cassel. Oh, ok. J'ai vite être éliminé. Je rappelle, la règle du jeu. Chacun à son tour, à partir de Gauthier. On commence toujours par Gauthier. C'est comme ça, c'est une tradition. Chacun va dire un film de Vincent Cassel. D'accord. Celui qui n'a plus de film. J'en ai, mais. Il a le droit à un indice de ma part. Ok. S'il n'a pas de réponse, il est éliminé. On arrive jusqu'au dernier, mais le dernier doit quand même valider une réponse. Parce que sinon, c'est trop facile. Hein. Sinon, t'arrives le dernier, et puis voilà. Donc, il doit valider une réponse. Et s'il valide cette réponse, il est qualifié contre moi. Et ce sera Camille, si elle perd, bien sûr, qui choisira une actrice. On peut tricher avec américaine, son portable. Française, mais quand même connue, hein, pour qu'on puisse connaître tous les deux. Voilà. Et après, on fera un combat entre le gagnant et moi. Très bien. Est-ce qu'on est parti? Attention, 3, 2, 1, Gauthier, on est parti. Vincent Cassel. Mesrine, la sonde survie. Okay. Épisode 1. C'est l'épisode 1. Monsieur. Line. Line. La haine. Ah, j'ai entendu line. Line, oui, monsieur. Ok, la haine. Merci. Camille. La belle et la bête. Oh. Moi, j'en ai pas mal, en fait. Hein. Mais il faut que t'en sois un. Le monde est à toi. Ah. Putain, je sais quoi, c'est... Ocean 12. Ah, bien joué. Mais... Meryn, partie 2. Bien joué. Je m'élimine, je sais pas. Non. J'aime vraiment pas cet acteur. Il y a une elle a dit qu'elle s'éliminait. Bah, pas contre son ami. Bon, bah d'accord. Allez, Tom. Ouais, de toute façon, elle l'aime pas trop. Enfin, Vidocq qui va sortir. Non, c'est pas la bonne réponse. C'est pas... Ah, c'est un... il s'appelle un autre nom, le film. Ouais, et le film n'est pas sorti, donc ça marche pas. Ah, ça marche pas. Bon, bah j'en ai un autre, Fleuve Noir. Très bien. J'en ai plus. Non, mais réfléchis un petit peu quand même. Tu as dit un film, il est dans le suivant. Je veux pas que tu donnes le... Non, il est dans le suivant. Pas celui-là, un autre. Bah, j'ai dit quoi? J'ai dit. Il y a un film où il est dans le suivant. Il est, je crois, 3 secondes dans le film. Ocean 12. Non, bah. 14. Eh, bien joué. Allez, Mohamed. Ah, est-ce qu'il n'y a pas un truc avec réfléchissez bien. La ruche ou quelque chose comme ça? Mais c'est évident, il y en a plein. J'ai en tête un film avec Monica Bellucci, un truc genre. Oui, mais je pense qu'il faut aller, dans le plus. Doberman, c'est ça? Bien joué. Merci. Tommy. Attends, j'ai pas le nom. Donc là, on a un duel, Tommy. Ah non, on est encore un trio. Tommy. J'ai pas le nom, attends. Oh putain. Il y a plein de films, les gens. J'aime bien ce film, ma mère aime bien ce film. Et je sais plus comment ça s'appelle. N'oubliez pas qu'il a été aussi doubleur. Ah, l'âge de glace. Bien joué. L'âge de glace 1. Épisode 1. Ouais. Bah, non, mais. Bah, l'âge de glace 2, l'âge de glace 3, l'âge de glace 4, l'âge de glace 5. C'est bon. Bah, l'âge de glace 2, hein. Non, c'est bon, on a déjà fait l'âge de glace 2, l'âge de glace 3, l'âge de glace 4, l'âge de glace 5. Donc c'est à moi? Non, c'est à toi. Âge de glace 5. Non, c'est la triche, il y a un 5. Si, ouais. Bon, bah alors, Mohamed. Donc, doubleur, les Lascar. Non, c'est ça. Il y a moyen. Il me semble. Ah, il y a moyen. Je vais checker parce que il est dans la série. Ah, mais... Oui, mais est-ce qu'il est dans le film les Nazca? Est-ce qu'il y a eu un film les Nazca? Si, il y a Nazca. Il y a moyen qu'il fasse. Bonne réponse. Il y a moyen de savoir. Attention, j'ai un film. Je te jure, j'arrive pas à trouver son nom. Je sais. Mais que si t'arrives pas, change. Mais j'en ai pas d'autres après par ça, je crois. Mais Tu n'as plus? Attends. Là, ça va être difficile. Hein, les non, derniers là. Juste pour essayer de me concentrer sur le nom du film. Il y a des. Ouais. Ah putain, ça m'énerve. C'est. Ouais. Moi, j'aime beaucoup danser. Non. C'est un indice. Mais tu l'as pas, donc on passe. Attends, Gauthier. Non, attends. Non, tu l'as pas, mais tu l'auras pas. Gauthier. Stop. Duel entre Gauthier et Mohamed. Putain, je sais plus comment il s'appelle, ça m'énerve. Vincent Cassel. Je suis bloqué sur ça. Danser. Non, j'y arriverai pas, moi, là-dessus. Si je te dis. Attends, cherche peut-être. Pourquoi lui dire? Pourquoi? Bah, on aide. Bon, bah, je crois que c'est bon. Toi, je crois que c'est un hasard. Ah, oui, non. Ah, pardon. Non, mais en fait, j'ai dit Mohamed, un dernier. Non, c'est bon, je l'ai. Et c'est valide. Bah, non, mais t'es plus là. Non, mais attends. Bah, Mohamed. Tu m'as pas, c'était mon vidéo tout à l'heure. Black Swan. Bien joué. Je peux te dire, je peux le dire quand même? Oui, vas-y. Le pacte des loups, voilà, putain. Ah, oui, j'y ai pensé, mais je savais pas, j'ai bugué. Il y en a plein qu'on a oublié. Mais c'est à cause de celui-là que j'ai bugué. Alors. Non, mais alors, on va prendre les plus connus, hein. Et il joue dans Jeanne d'Arc. Plus, ah oui, Besson. Effectivement. Dans quoi? Jeanne d'Arc de Luc Besson. Les Rivières Pourpres. Oui, je l'avais aussi, mais j'étais bloqué sur le pacte des loups. Il double aussi dans Shrek. Il fait Monsieur Desbois. Je m'en rappelle plus du tout. Hein, Monsieur Desbois. Des Irréversible. Ah, mais Irréversible, putain, j'en ai dit. Blueberry. Ah, oui. Agent Secret. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure. Chétan. Mais moi, bien vu. Sa Majesté Mineure. Les Promesses de l'Ombre de. Putain, comment il s'appelle? Pardon. Je vais cliquer parce que je me rappelle plus de son nom. J'ai un trou de mémoire. Est-ce qu'il va s'afficher de David Cronenberg? Moi, je tiens à dire, je me suis fait avoir à cause du pacte des loups parce que j'étais bloqué sur celui-là. Mais sinon, j'aurais eu les autres. Nous avons aussi Dangerous Method de Cronenberg, encore une fois. C'est mon film préféré de tous mes films, Trance de Danny Boyle, que je vous conseille vivement à voir et à revoir. Il y a tourné avec des Américains, ou quoi? Ouais, plein de films. Tale of Tales aussi. Nous avons Le Petit Prince, où jouait le renard. Ouais. En voix, Mon Roi de Mai Wen, ah ouais, Jason ah Bourne oui. Le dernier, Juste la fin du monde ah oui, c'est vrai. De Xavier Dolan, Gauguin, et ah, c'est celui-là que je cherche. Le tout dernier qui est sorti, ouais, c'était ouais. Le Grand Cirque Mystique. C'est pas le dernier, mais c'est dans les derniers. Voilà, mais bon, en fait, on a quand même dit les principaux quand même, donc bravo à vous. Quand même. Je suis bonne culture. Des loups, ce film, depuis que je suis gosse, je l'ai déjà vu, ma mère et Camille. J'ai bugué dessus. Oui, alors j'ai envie de dire Emma Thompson. Alors, c'est le thème, c'est Emma ça Thompson. J'ai un trou de mémoire avec Emma Stone ou avec parce qu'il y en a plusieurs comme ça. Donc, Emma Thompson, c'est bien. D'accord. Ah non mais c'est chaud. C'est mort. Parce que je confonds. Non mais je confonds. Mais moi je peux te dire. Je peux même pas te dire. Moi je confonds souvent son nom Emma Thompson avec Emma Watson. Oui c'est ce que j'allais dire. Sinon je peux donner Emma une autre Watson. Actrice. Si... Je pense qu'il faut donner une note parce que je pense qu'en deux secondes c'est fini. Ouais. Même si on aime beaucoup. Mais... Meryl Streep. Ah ouais non là il y a trop trop. Non mais là c'est trop large. Est-ce que tu peux raccourcir un peu moins là, c'est trop. Non mais quelqu'un dans l'actualité ça peut voilà je sais pas une française ça peut. Mélanie Laurent. Bah, elle est Mélanie Laurent. Oh là là. Voilà. Ah non, mais moi, c'est mort, hein. Mélanie Laurent. Bon, non, on va encore tout un ça pour une finale comme ça. Encore un Laurent, c'est pas le débat, ça. C'est compliqué. Oui. D'actualité. Josiane Balasco, ça, c'est un bon bail. Oh non. Bah, arrête, ça va. Est-ce qu'on a fait chier pour Vincent Cassel? Josiane Balasco, c'est parti. Et si on faisait un perfect Margot Robbie, allez, vas-y. Ah, Margot Robbie, ok. Envoie ta sauce. Suicide Squad. Ok. Laissez-moi le temps. Barbie, ça compte pas, c'est pas sorti. Attendez, parce que j'ai plus les titres. Donc Margot, on a bien dit Margot Robbie. Oui. Mm-hmm. Qui est une très jolie fille. elle a joué dans Diversion avec Will Smith. Oui. Le loup de Wall Street. Merde. Oui. Elle a joué dans un film. Ah, mais c'était pas le nom. Avec des patins. Oui. Ah ouais, le nom, hein. Et j'ai pas le nom. Ah ouais, mais t'as pas voulu me donner. Alors, laissez-moi un peu de temps. Ah ouais, non, tu m'as pas laissé de temps, moi. Attends. La vengeance. Margot Robbie a joué dans Terminal. Ah. Ah, alors maintenant il faut que pense je me rappelle dans tes dents, mon ami. Du truc avec les patins. C'est facile en plus, je l'ai. Ouais, c'est une autobiographie. Merde, c'est pas d'autre. Oh. Enfin, c'est une autobiographie, non, c'est une biographie, c'est un biopic. Elle tourne pas dans beaucoup de films. Donc... Ouais, ouais. Bah là c'est celui-là, ouais. Et s'il le trouve, je pense que t'es dans la merde. Ah, purée, même qu'elle était nommée aux Oscars, je crois, hein, sur ce film. Ouais, possibilité. Ouais. Ah, fuck. Je peux le dire si personne. Est-ce que je donne un indice ou pas? Ah non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Ah, ouais, ah oui, dans Tarzan, c'est vrai, elle a joué. Ouais, c'est vrai. Ah, j'avais vu cette bouse absolue. The Big Short non, Tarzan, c'est une bouse absolue. C'est Big Short que j'ai pas trouvé. Ah, j'ai bien aimé. Il est arrivé après. Mais elle joue deux secondes dans le film. Elle joue elle-même en fait. En fait, le truc, c'est qu'il est arrivé juste après le Wall Street, du coup. Ouais, ah non, mais Tarzan. Big Short, il est pas passé. Techniquement ça. Elle joue dans Suite française, que je ne connais pas. Ah, je connais pas. Ah bon. Dans Goodbye Christopher Robin. Ah, dans Pierre Lapin. Bah, en fait, c'est le film sur Winnie l'ourson, mais le premier, qui est un autre film. Ah, c'est pas, c'est pas celui-là alors. Elle joue dans Pierre Lapin. Oui, dans elle joue une voix sûrement. Elle fait Floss, Flopsy. Ouais, ça doit c'est être un lapin femelle, ça. Oula, Flopsy. Et, c'est tout. Et à venir, elle joue dans Mary Stuart, Reine d'Écosse. Ouais. Et Once Upon a Time in Hollywood. Ah, ok. Eh bien, mes amis, j'ai envie de vous dire, on fait une petite pause rapide. Après, on parle de Queen, du film sur Queen. Et après, on rentre à la maison. Allez, petite pause musicale. Et le petit jeu de Gauthier. Mais là, les amis, il est, si je me trompe pas, il est bientôt 20h. Donc nous avons 30 minutes, on fait juste une petite pause et après, hop, on revient, ok ? Du film. We'll be right back.

Ouais, on en reparle. C'est très intéressant. Déjà, son code, ça devient un peu. Si je vais le faire, nous revoilà pour la petite critique ciné de Bohemian Rhapsody. J'arrive jamais à Bohemian Rhapsody. Merci beaucoup. J'arrive pas. Bohemian Rhapsody. C'est la force de le dire. C'est... Bon, le film sur Queen. Comme ça, voilà. C'est plus ouais, voilà. Qui l'a vu autour de cette table? Nous avons une personne, deux personnes. Juste deux personnes, tous les deux. Oui. En amoureux. Presque. À séparer. Non, si, non, oui, ensemble, mais avec d'autres gens. Voilà. Ah, d'accord. D'accord. Est-ce qu'on a aimé? Est-ce qu'on n'a pas aimé? J'ai envie de commencer par Camille. Ah, j'ai adoré. T'as adoré? Ah oui. Mais pour quelle raison? Parce que si j'ai bien compris, donc c'est un film qui va pas de tout le groupe Queen, mais de la création jusqu'au sommet, quoi. Jusqu'au concert, en fait, qu'ils ont fait pour l'Afrique. Alors, d'accord. Je sais plus le nom du concert, mais ça m'échappe, là. Mm-hmm. Ouais, ils avaient fait tout un concert qui regroupe énormément de célébrités. Ouais. Et donc, ouais, ça parle vraiment de la création jusqu'à ce concert-là. D'accord. Alors après, moi, je suis une grande fan de Queen. Genre, j'adore ça. Mon père m'a transmis la passion de Queen. Voilà. Je connais toutes les chansons par cœur. Et ils ont fait des raccourcis qui me plaisent moyennement. Bon, pour servir le scénario, mais clairement, voilà, ils ont un quand même... Un peu facile, quoi. Ouais, voilà, ils ont donné un côté un peu dramatique au truc, alors qu'au final, ça n'a pas existé en vrai. Et c'est vrai que ça... Ouais. Bon... Mais si on va pas chercher dans les détails, le film est bien. Ok, d'accord. Mais musicalement, donc c'est un playback, si j'ai bien compris. Oui. Il y a eu la transformation de Rami Malek, qui est connu quand même pour la série Mr. Robot. Mm. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a fonctionné sur vous ou pas? Oui, oui, oui. Non, mais déjà, après je me suis dit, bon, il ressemble pas trop. En fait, à la fin du film, on voyait même plus Rami Malek, on voyait Freddie Mercury. Il a pris la gestuelle, il a transcendé le rôle là. Et même tous les autres, ils ressemblent de ouf aux vrais. J'ai vu, ouais, vrai, les musiciens, ouais. Les acteurs, t'avais vraiment l'impression que c'était eux plus jeunes. Fin... Le bassiste, c'est le plus impressionnant pour moi. C'est celui qui ressemble le plus. D'accord. Et ouais, Rami Malek nous a fait une prestation là. Est-ce que c'est un film sur Freddie Mercury ou sur Queen? Plus sur bonne question. Freddie Mercury quand même. Hein. Ouais. Ouais. Et est-ce qu'ils ont montré un peu les frasques, entre guillemets, de sa vie qui est un peu plus complexe qu'on ne le croit et qui, voilà, un peu. Un petit peu, mais. Un peu dans une recherche un franchement, peu de. Je sais que c'est un biopic, tu peux pas faire ça, mais limite, il aurait fallu faire une trilogie sur le film. Mm-hmm. Tellement il y avait de trucs à dire. Le film, c'était trop court pour. Enfin, le film est fini, je fais quoi? Mais. Attends, j'en voulais plus, enfin. Peut-être pour ça qu'aussi ils n'ont pas fait toute l'histoire. Hein. Peut-être oui, ils sont dit que c'est un gros succès, on peut faire une suite. Hein, mais bon, je mais sauf qu'ils arrêtent vraiment le film. Enfin voilà, Freddie au Mercury moment, est mort, ouais. Donc ils arrêtent vraiment le film comme ça. Quoi. Ah donc ils vont jusqu'à sa mort en fait. Non, c'est à ce moment-là en... que je trouve qu'ils font des raccourcis un peu dommage parce que ce concert justement sur lequel se finit le film s'est passé, je crois, 4 ans avant sa mort. Ouais, et ouais. Là, quand on finit le film, on a vraiment l'impression qu'il est mort après. Quoi. Okay. Genre, après, ils disent, ouais, il est mort en telle année, machin. Enfin, tu sais, un peu en mode avec des images. Ouais. Mais malgré tout, le film, il vous a pas paru rushé. Un petit il peu. A quand même un bon rythme, non? Il a un bon rythme. Oui, oui, ouais. Mais ça a un coup de trop peu, hein, presque. Ça a un coup de trop peu, voilà. D'accord. Et comme on. Enfin, tu sens qu'il il dure des combien choses. De temps? Il dure déjà 2 heures, je pense. 2 heures et demie. Ouais, il dure 2 heures. Mais c'est pour ça. Est-ce que c'est très axé musique? C'est-à-dire qu'vraiment, ils ont mis tous les tubes qu'il fallait. Non, ils ont mis pas mal. Ouais. Mais pas tout, mais oui, ils ont mais on mis est quoi on est dans de la mise en scène vraiment spectaculaire ou on est dans quelque chose de intime ou les deux? Et un peu les deux. Et un truc qui est vraiment bien qu'ils aient fait, c'est qu'ils ont montré que c'est pas que Freddie Mercury qui a fait les musiques. Mmh. Ça, c'est très bien. Parce qu'il y a des autres. Chaque membre a fait sa musique. Et aussi, ils ont montré certaines musiques, comment elles ont été faites. Il y a des musiques on savait pas. Oui, c'est vrai qu'il y a. Mais moi, justement, je trouve qu'ils l'ont pas assez fait, ça. Oui, pas assez, mais c'était bien. Ils passent tout un truc sur le fait que Freddie Mercury, il avait des frasques et que ça a un petit peu clashé dans le groupe. Et dans le film, ils accentuent vachement là-dessus, alors qu'en vrai, ils ont continué à tourner tout le temps, en fait. Ouais. Ils se sont jamais arrêtés. Et dans le film, ils nous font croire que Freddie Mercury peut plus chanter. C'est pas vrai, alors voilà, il y a des trucs faux, pas trop vrais, c'est juste pour prendre, comme elle disait tout à l'heure, le truc un peu dramatique. Voilà. Un autre truc mais que alors, j'ai bien quel aimé, est l'avantage de voir un film et pas un documentaire sur Queen? Parce que j'ai vu récemment, alors récemment, il y a quand même quelques mois, Whitney, un excellent documentaire sur Arte qui montrait un le, peu la vie de Freddie Mercury. Clairement, clairement. Et quel est l'intérêt? Un documentaire, en fait tu vas te faire un peu plus chier parce que c'est vraiment la vie, genre. Non, je te jure, en plus, c'est très c'est intéressant. Mais non, parce que maintenant, les documentaires sont quand même oui, un petit peu plus. C'est intéressant, mais c'est pas genre. C'est pas un film. Avec vrai, un montage. Je pense qu'à mon avis, pour. C'est vraiment. Je l'ai pas vu. C'est le côté performance qui est intéressant aussi. Mais je pense que. Ils avaient envie de prendre parti. c'est-à-dire pour le personnage. C'est un peu bête de dire ça comme ça, mais quand tu fais un documentaire, t'es obligé d'aller un peu dans tous les sens, de voilà, faut suivre ce qu'il y a de suivre aussi des gens, d'interviewer des gens qui ont eu plusieurs avis et tout. Ouais. Là, je pense que je sais pas du tout qui c'est qui a réalisé le film ou qui l'a écrit. Je crois que c'est Bryan Singer, non ? C'est moi qui me trompe. Bryan Singer des X-Men ? Bah, je crois. Hein. Ah bon. Je vais checker. Il y a moyen. Mais je veux dire, c'est que de ce que j'ai entendu, enfin des critiques, c'est-à-dire qu'il est vraiment très objectif. C'est-à-dire qu'ils ont une vision de ce qu'il veut, de comment il voulait parler du personnage, de ce qu'il voulait vraiment montrer sur lui. Et voilà. Et okay. C'est, ça, c'est ta raison sur ça. Il y a un truc que j'ai trouvé bien. On le sait qu'il a eu un peu une sexualité, un peu. Enfin, voilà. Oui, bah, il était très. Il était ouvert et tout. Qui se passait plein de choses. Voilà, on va dire ça comme ça. Qu'il aimait la fête et le sexe. Voilà, et, voilà. Film, et la drogue on aussi, si on peut le dire aussi. Mais c'est discret. Enfin, c'est pas. C'est pas un film sur les phrases, quoi, entre guillemets. Est-ce qu'on te le laisse comprendre ? On te le cache pas non plus. On te le cache pas non plus, mais c'est pas trop mis en gros devant. Et c'est même. C'est comme si c'était des phrases qu'il disait, mais il n'y a rien de montré. C'est dit. Et moi, j'adore ça. Ils se sont appuyés sur le côté artistique ou des fois, il y a eu des trucs de sa vie. Voilà. Ils n'ont rien montré de sexuel, par exemple. Mais on comprend. On sait ce qui se passe. On sait. Et je trouvais ça très bien, ça. Je confirme, c'est un film de Bryan Singer, donc réalisateur des X-Men. Ah ouais, d'accord. Ouais. Du coup, vraiment, moi, c'est vraiment un point que j'ai vraiment adoré, ça, c'est qu'on voit pas sa sexualité, même si on sait qu'elle est présente, on sait qu'il s'est passé des trucs et tout. Ouais, donc c'est ça. On n'est pas là pour un peu salir l'image, quoi, entre guillemets. Ouais, on n'est pas là pour faire attention, t'as un homme mal dans sa peau, bah, vraiment le côté alien du personnage. D'accord. Moi, je suis sortie du film, je me suis dit, en fait, il n'était pas fait pour être sur Terre. Il était trop sensible pour appartenir à notre monde, quoi. C'est. D'accord. Trop dans son monde. Bah, je pense que c'est aussi ça qui plaît. Il y a certains biopics, notamment Jobs. Alors, c'est vrai que moi, toi, tu m'as dit que tu l'avais plutôt bien aimé. Le premier ou le deuxième ? Le premier, Jobs. Le premier, je l'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'on est. Sur des biopics, sur des personnages qui sont assez décalés. C'est-à-dire que des personnages qui avaient leur caractère, qui avaient leur personnalité. Là, dans pas longtemps, il y a le film sur Elton John, et lui, pareil, au cours de sa carrière, c'était un sacré personnage. Bien. Et je pense que c'est ça qui attire, qui fascine. C'est des personnages comme ça, comme Steve Jobs, Freddie Mercury. D'ailleurs, il y a Elton John qui apparaît dans le film, et j'ai trouvé ça dommage qu'ils n'utilisent pas l'acteur Taron Egerton pour. Franchement, ça aurait été vraiment pas mal. Surtout, parce que c'est à la même époque en plus. T'imagines, ils gardent pour chaque biopic à chaque fois les acteurs des. Ça aurait été trop bien. Ça serait trop bien. Tu aurais le cinématique où ils font un film sur un élan musical, c'est-à-dire. Je sais pas s'ils font par exemple un film sur Woodstock et puis il y a tous les. Je pense que ça doit exister, mais si tu prends tous les personnages, entre guillemets personnages, mais tous les musiciens et chanteurs très connus de l'époque et chacun un acteur par personnage, ce serait tellement bien aussi. Un énorme biopic énorme, quoi. Le même état d'esprit, Rocketman, je l'ai pas vu, mais si ça se trouve, Rocketman. Ça a l'air tellement bien. Moi j'ai pas vu la bande, j'ai rien vu. Donc là, teaser de 30 secondes. Mais si ça se trouve, le film il va pas du tout être dans le même état d'esprit, c'est peut-être pour ça qu'ils veulent pas forcément prendre les mêmes acteurs, parce qu'il y en a qui sont pas la même. Production, après je sais pas. Voilà. Oui, aussi. Oui, il y a des chances. Tout simplement. Et puis il faut le repayer aussi. Non, mais je dis ça. Ouais, c'est vrai qu'à mon avis, il faut lâcher le billet d'ailleurs. Ouais. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'est un conseil. Allez le voir si vous aimez D'accord. Queen. Petite question là. Réalisation intéressante ou réalisation basique ? Même si on n'aime pas Queen, allez le voir quand même. Ouais. Parce que nous, on aime bien Queen de base. Donc on a kiffé. Mais même des personnes qui n'aiment pas Queen peuvent bien. Mais la réalisation, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ? Attends, ou est-ce qu'on est là pour accompagner un peu le bébé, quoi ? Bon, ça, moi, je trouve qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est compliqué. C'est bien construit. Mais sur un biopic, c'est rare de voir une réalisation qui tente quelque chose. Oui, c'est vrai. Bah, que c'est... Je pense par exemple à Lincoln de Spielberg, où là c'était. Oui, mais c'est Spielberg aussi. Par contre, comparé à A Star Is Born, où les scènes de concert étaient assez insoutenables parce que le son devenait ultra fort et tout, là les scènes de concert, on est dans le truc et pourtant on n'est pas attaqué par la musique. Et le playback est pas mal foutu. On dirait vraiment que c'est lui qui chante. Ah oui, moi maintenant quand j'écoute du Queen, je vois presque Rami Malek en fait. Jamie Foxx serait bien parce que moi j'ai eu des avis négatifs près de moi et ils m'ont dit c'est le film est sympa mais réalisation vraiment plan basique. Mais je crois que tu parlais de Rami Malek, il a pris la gestuelle mais de Freddie Mercury, il m'a choqué. Bon bah il a géré ça en tout cas. Et comme je disais tout à l'heure, nous on est fans, donc oui on conseille d'aller voir, mais même des gens qui, parce que je travaille dans un cinéma anciennement. Du coup, j'ai vu une personne qui est sortie de la salle. Fait, oh bah, je connaissais pas trop Queen, mais là, j'ai envie de tout écouter. J'ai kiffé. C'est pas mal du coup. On passe tout de suite à Gauthier avec son jeu, et ça sera la fin le dernier. La fin de cette émission. Du coup, alors c'est vrai que j'avais un peu préparé pour tout le monde. Bah, du coup, au pire, je les lance et puis. Tu les lances et puis chacun monde, dit voilà. Ça. Alors, d'après vous, qui a le plus rapporté? Alors, c'est vrai que vous connaissez peut-être pas. C'est vrai que Camille et moi-même, vous connaissez peut-être pas. On donne tous notre réponse et voilà. Ouais, alors en fait, là, je parle vraiment du box-office mondial. C'est vraiment des recettes à l'international. Sans prendre en compte l'inflation, c'est vraiment celui qui a le plus rapporté. Ok. D'accord. Alors, entre le premier Narnia et Shrek 2. Shrek 2. Attends, toi, tu dis quoi? Moi, je réfléchis encore un petit peu. Box-office mondial, hein. Shrek 2. Ouais, franchement, j'irais Shrek 2 quand même. C'est un piège, j'ai l'impression. Eh bien, le premier Narnia a rapporté 745 millions. Ouais. Et Shrek 2 en a rapporté 919. Ouais. Ah, ouais, quand même, tu m'assures. Mais quand même, plus, c'est le meilleur des Shrek, le 2. Ça aurait été Shrek 1, j'aurais dit direct Narnia. C'est moi, j'ai l'impression que Narnia n'a jamais implosé. C'est-à-dire, non. Elle n'a jamais explosé. Explosé, ouais. Non, parce que. Narnia a plutôt implosé. Je les ai vus il y a pas longtemps. Le premier, bon. Mais le pire, c'est qu'ils ont fait le 3, qui n'est, je crois, le 2 qui n'est pas le 2 par rapport au bouquin. Ah oui, non, mais c'est n'importe quoi par rapport au livre. Oui, c'est très étrange. Le 1, c'est pas le 1 déjà, normalement. Ah bon, en plus. Parce qu'il y a tout un truc avant, tu vois, je savais même pas. Mais c'est trop long. En fait, le 1, normalement, c'est la création de Narnia. C'était un peu le deuxième Harry Potter. Ouais, mais les Harry Potter. Vendu comme un mélange entre Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Moi, ce qui est triste. Les Harry Potter, tu peux les couper. Tu peux en faire un film, même si tu coupes 2-3 scènes. Narnia, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Tu peux pas en faire un film, même un chapitre, tu peux pas. C'est à la limite une série télé, ça aurait été parfait. Ouais, mais grave. C'est mais je crois qu'ils veulent le faire. C'est pas faux. C'est pas faux. Ouais. Je crois qu'ils veulent le faire ça. Mais les livres sont fantastiques. Ouais, ouais. Mais du coup, fantastiques. Moi, j'ai vu le, je les ai vus il y a pas longtemps les trois. Le 1, bon, il est bien. J'ai vu quand j'étais petit et tout. Le 2, moins bien, mais ça se regarde. Par contre, le 3, j'ai l'impression de voir un téléfilm justement. Ouais. J'étais devant, j'étais en mode. Mais c'est le 3, ça fait. Et puis ils ont été très bouillons avec les personnages, tout ça. Ensuite, le petit en plus. Next, les gens next, next, j'ai perdu ma page, merci. J'ai vraiment perdu ma page. J'ai bien, t'as un cahier, j'ai l'impression que t'es à l'école. Entre le retour du roi, parce que c'est un zone de retour du roi, et la reine des neiges. Ah bah la reine des neiges, la reine des neiges, la reine des neiges. Le retour du roi, non? Mais la reine des neiges à 100%. Je veux dire que ça a été très serré. Le retour du roi, libéré, délivré. Le retour du roi. Le international. Eh bien, c'est vraiment la Reine des Neiges, mais, alors, mais les scores ont été très proches. C'est-à-dire que la Reine des Neiges a fait 1,276 milliard. Voilà. Et le Retour du Roi a fait quand même 1,119 millions. Ouais. C'est le plus gros succès pour la pour des films Seigneur des Anneaux. Trop triste pour Seigneur des Anneaux. Entre Batman contre Superman et Jumanji de 2017. Oh mon Dieu. Ah, j'espère que Jumanji. Quoi? De 2017, pardon. Voilà, Jumanji de 2017. Ok, j'ai pas compris. Je pensais qu'on parlait celui avec Robin Williams. T'as failli faire avoir un arrêt cardiaque. Là, je pense que c'est Jumanji. Alors, Batman, parce que d'après les informations. Batman vs Superman et Jumanji. Ah, il a pas marché Batman vs Superman. Ah, c'est connu. Ils ont marché. Ah, si, il a cartonné. Ah, mais tous les films DC Comics ont marché au box-office. C'est les critiques. Surtout, mais ils ont fait ça. Parce que Jumanji, c'est The Rock. Et le retour d'un film que quand on était gosse et tout. Voilà, Jumanji. Moi, je dis Batman vs Superman. Malheureusement, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais je pense Jumanji. Eh bien, moi je dirais Batman. Batman contre Superman. Superman a rapporté à peu près 873 millions et Jumanji en a rapporté 973. Je suis dégoûté. Ça a été le gros succès de l'année dernière. Je suis dégoûté. Oh là là. Entre American Pie et Mulan. On va essayer de faire vite là. Entre quoi, American Pie et Mulan. Oh là là. Oh là c'est. Ah, Mulan. Ah, t'as quoi que. Non, c'est American Pie. American Pie a un gros succès commercial à sa sortie, hein, Mulan aussi. Et c'est à peu près la même époque. Ouais. Tu vas à 4, tu vas à 5, donc ça veut dire que déjà American Pie a rapporté 235 millions. Moi j'aurais dit Mulan, mais. Et Mulan en a rapporté 304. Ah, yes. Ah cool! Donc Mulan a plus. Je suis content. Okay. Entre Austin Power, le premier, et Cloverfield. Austin Power a rapporté 67 millions et Cloverfield 170 millions. Wow. Oui. Bien joué. Okay. Et donc pour finir, le dernier. Je suis impressionné. Entre... On fait pas des caisses, c'est vraiment un vrai. Waouh! Moi je connais en vrai. Je suis content, tu vois, mais je m'en balègue de ouf. Tellement je m'en fous, tu vas savoir. Mais en vrai, la formation est intéressante, je suis d'accord avec toi. Non, mais en vrai, oui. Et puis t'es une différence. Non, c'est... Enfin, t'es... C'est vraiment... Donc 160 000 Cloverfield. 170 millions. C'est quoi Cloverfield? Après, j'avoue que Cloverfield, en Cloverfield fait, c'est un truc en bleu. Ah, c'est le truc avec l'affiche avec la statue de la liberté cassée. Voilà. Oui. C'est un film qui est quand même assez confidentiel en vrai, hein, quand tu regardes. Même s'il est un peu relancé. Il est très seul dans le genre. C'est cool, je trouve. C'est le premier d'une trilogie. Si je me rappelle bien, il y avait un 2 qui sortait au cinéma. Alors, il y a un 2 qui est sorti, mais on n'a pas. Après le Super Bowl, tout de suite. Ouais, mais en fait, les films, quand tu les regardes, ils ont rien à voir. Ils le considèrent pas comme une trilogie, ils le considèrent comme un univers. Voilà. Comme c'est des films qui n'ont rien à voir les uns des autres, mais ça a vraiment voilà. Valeur, ouais. Et donc le dernier, c'est entre 2012 et le premier Monstres et Compagnie. Oh. 2012. Ouais, 2012. Ça me ferait chier. Hein. Ouais, 2012. Ça me fait chier. Ah, le premier Monstres et Compagnie, hein, c'est Pixar, 2012, c'était Arthur Domaine à l'époque. La fin du monde, tout était moderne. Je dirais 2012 parce que voilà. Monstres et Compagnie, je pense qu'il a moins marché que les autres Pixar. Ouais. Que le monde de Nemo et Toy Story. Ça, en tout cas. Ouais. Je dirais 2012. Malheureusement. Eh bien, ouais, c'est 2012, il a rapporté 769 millions. Monstres de merde. Et Monstres et Compagnie, 577. D'accord. C'est plutôt pas mal. C'est triste. Et ben merci Gauthier. Et j'ai envie de dire merci à Tommy d'être dans cette équipe et d'avoir participé à cette émission. Merci Gauthier. Merci Camille. Très bonne participation. Et merci Mohamed, le nouveau qui a fait un carton plein. On peut dire ça ? Il a fait ses preuves. Ouais, bah, il m'a plus d'une fois là, il a dit plein de trucs. Et merci. Je sais pas si c'est moi qui dors avec lui ce soir. Pardon, excuse-moi. Je sais pas si c'est moi qui dors avec lui ce soir du coup. Donc pas à ce moment-là quand même. Mais oui, ah, j'avais pas compris parce que j'ai cru que Camille voulait. Non, ah okay. Non, Tommy et moi, non. C'est le début d'une bromance tout simplement. Voilà, je pense. C'est un roman d'amitié qui n'a. Non. Elsa. Alors, on va quand même finir là-dessus. À la semaine prochaine. Eh ben, attendez. Comme j'ai gagné ce jeu, la semaine prochaine, je vous mets un roman d'amitié d'Elsa. Juste pour le kiff. Ok. Juste pour le kiff. Pour vous deux. Et non, et qu'est-ce que tu fais pour les vacances ? Comme ça serait un spécial bromance. Effectivement. Voilà, juste pour le plaisir. On devrait les envoyer regarder un film, mais tous les deux. Genre un film spécial, tu vois. Mais super idée, je veux qu'on fasse ça la semaine prochaine. Alors pas pour la semaine prochaine, mais on prépare ça et on y va à deux en fait. On fait des groupes de deux et on met un mec fan et un mec qui déteste. Oh, pas mal. Oh, ça c'est pas mal. Pas mal. Ça c'est pas mal. Avec un pétard de débat la semaine d'après. Ça, je suis absolument fan du Grinch. Il faut que tu le saches, je suis fan du Grinch. Je peux pas. J'ai pas besoin d'aller voir le Grinch, je suis absolument très fan de cet univers, je connais par cœur. Mais il faut un fan aussi. Moi pour de vrai. Je suis un vrai fan. Pour de vrai. Enfin, j'aime bien pour de vrai. Allez, on se quitte. On va se retrouver finalement à deux, aller voir le Grinch, tu vois. Bon, allez, je vous fais de gros bisous, merci beaucoup. Voilà, à la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao.